Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Produits en Croix. Aujourd'hui, on parle de Persona 5, plus précisément de Persona 5 Royal qu'on a tous découvert récemment. Donc, si vous n'avez pas encore fait Royal, ne vous inquiétez pas, il y aura une zone spoiler en fin de vidéo. Et même si vous n'avez pas fait Persona 5 en général, nous allons monter crescendo dans les spoilers, donc vous pouvez très bien regarder le début de la vidéo. Donc maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo en compagnie de mes deux collègues, et c'est parti! Bah du coup, j'espère que vous allez bien en tout cas. Du coup, on a pas... pour une fois, c'est Jam qui fait l'intro. J'avais pas d'idée, je lui dis, t'émerdes toi. C'est ça. Et voilà. C'est lui qui a poncé le plus le jeu de nous trois. Ah bah, 180 185. Enfin, en soi, techniquement, je suis celui qui a le poncé le plus parce que je dois avoir 300 heures dessus. Non, 300. Bah ouais, mec. Mais pas du tout. Bah si, parce que là, j'ai 50 heures sur mon New Game Plus. Ouais. J'ai Persona 5 Classic, je l'ai fait en 110 heures. P5R, je l'ai fait en 135, 145. Non, t'avais dit 110. Je sais plus. C'est maigre. Entre 115 et 125, à peu près. Mais Chiku, lui, du coup, qui a un petit 80 heures, je crois. 90h45 sur Persona 5 uniquement l'épisode. Et il s'est bien, bien renseigné sur P5R pour l'épisode. Je me suis effectivement beaucoup renseigné. C'est celui qui a fait le plus de recherches derrière. Alors que nous vraiment on est arrivé en les mains dans les poches. Après, il y a plein de trucs que j'ai loupé sans doute. Le jeu est récent dans notre mémoire donc ça va normalement pas trop trop. Littéralement Jam et moi on l'a fini le même jour. C'est ça. Et du coup. JJ, lui, est le seul du coup à avoir joué à Striker, du coup la suite officielle de... Et à Dancing. Et à Dancing, bon. Pas sûr que Dancing aborde vraiment... Non. Une nouvelle vue sur le scénario. Si vous voulez mon avis sur Dancing, sachez que c'est sympa, mais ça fait c'est très très compliqué, ça fait très vite mal au crâne. Voilà, point. C'est tout. C'est un jeu de danse. Moi par contre, je suis le... Bah du coup, JJ avait joué à Persona 4 Golden, et moi j'ai joué à Persona 3 Fesses, donc j'ai à peu près une trentaine d'heures sur Persona 3 Fesses. Je pourrais comparer un petit peu au niveau des mécaniques. Mm-mm. Ça sera sympa. JJ, moi j'avais une question. La première fois que t'as joué à Persona 5, donc la première version, c'était en quelle année? Eh bah c'était septembre. Je l'ai commencé le 23 octobre 2020, et je l'ai terminé le 23 novembre 2020. J'ai mis un mois tout pile pour le faire. Moi j'ai fait le jeu donc Persona 5 premier du nom en 2018. Ah ouais donc ouais c'était un an après la sortie du jeu. c'était un an après la sortie du jeu. Ouais, sur PS3 je précise puisque le jeu était sorti à la fois sur PS3 sur PS4 mais il y avait très peu de versions PS3 donc j'ai dû faire venir un import allemand donc la boîte que j'ai est en allemand donc c'est une version PAL mais. Moi ça va, j'ai fait Persona 3 Persona 5 de manière peu légale avec un émulateur PS3. Parce que j'avais pas la console, j'avais pas ni de PS3 ni de PS4. Et il se trouve que, détruit ton expérience, je crois. Et ouais, ça a un peu niqué mon expérience, notamment sur les 3-4 derniers palais, parce que la mémoire commençait à sérieusement saturer et... Et les saves faisaient des gigas et des gigas, c'était pas possible. Et l'émulateur plantait une fois sur quatre, j'ai dû faire des techniques moldaves pour éviter que ça plante. Et c'était pas méga agréable. Bon, après, j'ai quand même terminé le jeu. Et j'avais quand même bien aimé mon expérience sur P5, même si ça avait crashé. Et après, j'ai eu le jeu sur PS4 Royal, vers... mi-mars approximativement je crois on l'a fini fin mars avec Jam. Il a fini 6 heures avant moi je crois. Oui moi j'ai fini le matin, toi tu l'as fini le soir. Et moi j'ai mis 2 heures et j'ai mis 2 mois et demi. 2 heures et demi pour 90 heures ça fait mis 2 mois et demi pour faire pour faire Persona 5 et c'était ben c'était un très très très très très bon jeu. Vraiment, moi, j'ai mis un mois à peu près. Moi j'ai mis deux petites semaines. Un mois et demi même. Même un mois et demi. Donc voilà, j'ai vraiment passé beaucoup beaucoup de temps. C'était un peu une routine quotidienne. C'était un peu un deuxième boulot hein, parce que du coup 180 heures en un mois ça fait plus qu'un 35 heures. Donc ouais, mais non, mais honnêtement. je crois que c'est l'un des rares jeux où je pouvais passer des heures et des heures et des heures dessus sans me rendre compte du temps qui passe. C'est-à-dire que vraiment, je me levais le matin vers 10h, je lançais le jeu et je finissais, je sauvegardais pour la dernière fois et je quittais le jeu vers minuit. Et j'avais pas arrêté. Ces gens n'ont pas de vie, vraiment. Ces gens, oui, j'avais pas de vie pour le coup, mais... Et en même temps, il y a une forme, le jeu est très efficace parce qu'il y a une forme de routine qui s'installe. Où en fait tu vas faire quelques jours, tu vas peut-être faire une semaine tous les soirs, quoi. Et du coup, des fois, bah, t'as des semaines sans scénario, hein, tout simplement. Du coup, bah, juste tu fais ta routine, tu vas au lycée, tu vas voir tes confidents, etc. Donc vraiment, ça aide. C'est un petit peu comme un espèce d'Animal Crossing, tu vois, où tu reviendrais un peu tous les jours. Animal Crossing, un peu plus passionnant quand même. Oui, un peu plus passionnant, parce que Animal Crossing, c'est pas vraiment. Moi, j'ai pas eu cet entonnoir là. Moi, à l'époque, quand j'y jouais, je travaillais. Je travaillais dans un magasin de jeux vidéo. Et tous les soirs, lorsque je rentrais, j'essayais de jouer 1h30, 2h. Après, tu m'étonnes que forcément ça t'a pris plus de temps. C'était des sessions un peu plus courtes. Il y a juste le boss final, enfin la phase finale où j'ai mis 5 heures. Je me suis pris toute une après-midi pour la faire. Mais non, c'était des portions plutôt courtes de jeu, avec parfois même des reportions, parce que lorsque tu mourais, ben parfois tu te retapais parfois très longtemps. je crois que je suis pas énormément mort, moi, quand j'ai fait Persona quand j'ai fait Persona 5. Contre les boss, j'ai dû mourir une fois contre le boss de fin de Persona 5 classique. Parce que j'étais vraiment underlevel, je crois que j'étais 15 levels en dessous. Et je crois que je suis mort peut-être deux autres fois pendant la run. Après, j'avais fait le jeu en facile. Moi, c'est les deux derniers boss qui m'ont. L'avant-dernier boss, c'est celui d'avant où je suis mort. Mais c'est surtout dans des combats où tu fais des échanges de persona et tu te mets une faiblesse sans le vouloir et tu sans vois la mort arriver parce que tu te dis. Ok, bon, c'est bon, là, je suis tranquille et tout. Et puis, tu changes ta persona pour pouvoir attaquer, pour dévoiler le point faible des ennemis. On va parler du gameplay dans quelques instants, je pense. Oui. Et là, tu te rends compte que tu as mis une persona où tu es faible aux attaques de l'adversaire. Et donc, tu te fais déglinguer. Tu t'en prends plein la gueule et donc tu meurs et tu recommences. Et c'était une très grande joie de perdre une heure de jeu avec des combats. D'accord, ça va, une heure. Toi, t'as pas perdu 3 heures. Ouais, c'est. Mais, ouais, j'ai perdu 3 heures, notamment dans le Memento. On expliquera ce que c'est après. Mais dis-nous. Alors, après, on parlera de la difficulté, mais moi, je trouve que la difficulté du jeu, elle est. Très très très bonne. Alors moi dans Persona 5, premier du nom en tout cas, parce que j'ai pas joué à Royal, mais apparemment mes camarades m'ont dit que c'était Royal est plus facile. Royal est peut-être il y a des mécaniques qui, bon, on va pouvoir entre guillemets parler un peu vite fait des mécaniques, mais notamment je sais que le truc qui sauve des vies dans Royal, enfin qui permet d'aller un peu plus vite, c'est le fait que notamment pendant les phases de farm, c'est le fait que le gun se recharge entre les combats. Ah oui. Moi je sais que ça a été ma source principale de kill pour l'XP quand je farmais un peu. Après, j'ai honnêtement pas eu trop besoin de farm. Honnêtement, dans l'original, j'avais pas spécialement besoin de farm. C'est juste qu'à la fin, tu vois, tu perds une heure de temps, donc tu vas un peu plus vite. Oui. Donc t'évites des combats, donc t'es sous level, donc. À la fin, bah, y a un gap de 5-6 levels entre toi et les ennemis, et ce gap, il est violent. Je sais que pour le boss final, j'étais au bon level, et pour le boss final de Persona 5, j'étais bon niveau level, je crois, pour la partie royale, par contre, j'étais un peu sur level. Même, t'étais pas tant sur level que ça. T'étais à mon level en fait pour le boss de fin de Royal. Quand même, surtout. Après, je sais que je suis quand même mort, mais ça c'est parce que je me suis suicidé. Oui, enfin oui. On se rappellera de cette phrase magnifique. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Qu'est-ce qui a tué James? L'ère glaciaire. Effectivement. Non, mais en fait, pour expliquer, en gros, dans Persona, il y a des, du coup, certains ennemis donc ont des immunités, mais aussi ont des répulsions. Donc, si jamais tu les tapes avec un certain type d'attaque, ils les renvoient. Et du coup, je m'étais fait des Persona bien pétés avec des stats de ouf. Et du coup, bah, quand je me faisais renvoyer un dégât, bah, du coup, je me faisais one shot par ma propre personne. En plus, c'était en difficile, donc les renvois, ils sont encore plus vénères. Ouais, c'est ça. Je crois que en normal, ça, les renvois, je crois que ça te renvoie le même nombre de dégâts, et en difficile, c'est un peu plus violent. Mais c'est mes deux seules morts contre le boss final, pour le coup. C'est vraiment un défaut, je me suis... Je suis pas mort contre le boss final de P5. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je parlais de nos deux expériences. Je suis mort contre le boss de P5. Oui, je suis mort une fois, je crois. Oui, t'es mort une fois. Oui, je suis mort une fois contre le boss final de P5. Comment t'es mort? J'étais peut-être pas là quand... Je suis mort... je sais plus. Je crois qu'il s'est fait tuer à la longue. Ouais, c'est ça. Okay. Je crois que j'étais mal préparé, du coup. Et du coup, juste ensuite, je suis allé faire un tour. J'ai XP un petit peu et je me suis refait des bonnes personnes. Mais allez pas croire que il y a beaucoup de farm dans ce RPG. Vraiment, si vous êtes attentif et que vous faites tous les combats que le jeu vous propose dans les différents palais du jeu, dans les différentes zones où en fait il y a la phase de RPG en fait, il n'y a pas spécialement besoin de farm. Contrairement à Persona 4 Golden. C'est... Qu'un gap de difficulté assez énorme. Je crois que Persona 3 aussi d'ailleurs un petit peu. Bah le souci en fait de Golden et de Persona 4, c'est que en facile c'est trop facile et en normal c'est trop difficile. Faut vraiment être sur level pour faire Persona 4 en normal. Et du coup ça nique un peu l'expérience de jeu parce que t'es obligé de farmer tout le temps et c'est chiant, c'est juste chiant. Surtout quand on connaît le dungeon crawler, le style dungeon crawler des anciens Persona. On en reparlera quand on parlera des palais. Mais ça, c'est vraiment pas du tout agréable de farmer dans Persona 4. C'est juste très très long. Bah, je suis pas spécialement d'accord, je trouve. Enfin, j'ai pas joué à Persona 4, mais du coup, j'ai joué à Persona 3, qui je pense est encore plus archaïque dans ses mécaniques pour le coup. Et honnêtement, je trouvais pas ça plus chiant. Je trouvais pas ça plus chiant de farmer dans Persona 3 que dans Persona 5. Parce que farmer dans Memento dans Persona 5, c'est pas très intéressant. Bah, surtout quand t'es dans Royal et que t'as une capacité qu'on va pas spoiler, mais. Et je crois qu'elle est même dans le classique. Non, elle est pas dans le classique. Je sais pas du tout quelle capacité. Pour rouler sur les ennemis. Pour rouler sur les ennemis, non, elle est pas dans le classique. T'es obligé de te farcir les combats. T'es sûr? Ah, je sais plus. Ah, sûr et certain. Ok. Ah, je sais plus. Il me semblait, mais c'est peut-être parce que... Mais là, on parle depuis le début de Persona, mais ça se trouve, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Mais c'est quoi? Voilà, c'est ça. Alors, comment résumer Persona? C'est un RPG, d'une part, et on va dire quoi? Alors, James parle d'un dating sim. Je suis un peu d'accord, mais... plutôt visual novel. Non, pas trop. Life simulation, peut-être. Ouais, c'est ça. Un tranche de vie. C'est ça, simulation de vie lycéenne. C'est pas vraiment un dating sim. Enfin, ça peut très vite devenir un dating sim, mais... Ouais, même pas, parce que les mécaniques sont pas très poussées. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment rater une relation parce que t'as mal géré ou quoi. C'est vraiment... Oui. C'est vraiment le degré... Pour ceux qui ont peut-être déjà fait un Fire Emblem, c'est un peu du même acabit. C'est-à-dire que c'est... Globalement, tu passes du temps avec les gens et les gens vont finir par s'attacher à toi, etc. Tu vas devenir ami ou plus si affinité. Donc, en gros, comment se déroule Persona, une journée type de Persona, parce qu'en fait, ça se déroule sur une année scolaire. Ça dépend de la journée. Vous allez en cours le matin et vous allez péter la gueule à des monstres le soir. c'est comme ça qu'on peut... L'après-midi, parce que le soir, il faut dormir. Le soir, il faut dormir. C'est très, très compliqué, parce que... Globalement, vous allez en cours le matin et l'après-midi, vous pouvez soit du coup taper du monstre ou alors aller voir du coup soit les membres de votre équipe, soit des gens d'autres gens que vous allez rencontrer. Connaissances. et du coup forger des relations avec eux. On appelle ça s'appelle les confidents dans le jeu. Les confidents, ça s'appelle les social links dans Persona 3 du coup. Mais alors que dans Persona 5, même en anglais, c'est confident. Donc ils ont changé de nom. Mais oui, du coup, il y a vraiment tout cet aspect du coup, qui a été repris effectivement dans Fire Emblem. Enfin, je sais pas qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, mais ce côté où on doit vraiment s'attacher aux membres de notre équipe, forger des liens, etc. Et ça se ressent un peu au combat. Ça se ressent beaucoup plus dans Persona 5 que dans ceux d'avant. Mais oui, là pour le coup, si tu montes tes confidents, ça va vraiment changer le gameplay du jeu. Tu peux changer du tout au tout en fait en fonction de qui tu up. Clairement. Ne serait-ce que l'équipe change, parce que en général, on va souvent privilégier les personnes avec qui on a un haut niveau de confident pour avoir justement les bonus associés. Alors que... Alors que tu veux dire, ouais, si jamais les gens sont plutôt bas level, on va pas non plus les ignorer complètement. Mais moi je sais que j'attendais de les avoir au minimum rang 3 pour commencer à les utiliser. Bon, au final, vu qu'on a up Jem et moi pas mal de confidents, au final, on pouvait se permettre d'avoir une équipe bien variée. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça qui est cool dans Persona 5 Royal, parce que je trouve que c'est un peu moins pratique dans Persona 5 classique, c'est qu'on peut vraiment se permettre d'avoir une équipe variée et pas juste garder les mêmes membres tout le temps. Et tu parles des combats là pour le coup. Oui. C'est vrai. Mais après, je crois que tu peux pas... Alors après, c'est peut-être parce que je suis idiot, mais il me semble que tu peux pas changer de membre pendant un combat. C'est comme dans Royal, c'est avec une un truc spécial. Okay. C'est ça. C'est pour ça que vraiment c'est peut-être un truc qui manque dans Persona 3 justement et dans Persona 4, c'est que vraiment le fait de up des confidents, ça change le gameplay. C'est une partie où t'as up tel confident et une partie où t'as up tel autre confident ne seront pas du tout les mêmes niveau comment tu joues au jeu. Donc il y a la partie, on va dire, vie lycéenne, et après il y a la partie RPG que je pense certains doivent connaître avec les nombreux mèmes qui sont sortis dessus, avec notamment l'interface du combat. Alors il y a tout ça se déroule dans des donjons, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est un petit peu plus intimement lié au scénario. Et donc vous avez différentes actions, donc des attaques, des magies qui vont être représentées par vos personas qui peuvent être différentes pour le personnage principal, mais qui seront les mêmes pour les personnes autres que vous allez recruter entre guillemets dans votre équipe. Vous pouvez tirer à l'arme à feu, qui est, je crois, une nouveauté de cet opus également. Une nouveauté de Persona 5, ouais, qui n'existe pas. Mais surtout, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, et c'est pour ça que quand Persona 5 est arrivé, tout le monde a fait « Waouh !» C'est que c'est du tour par tour qui va à 200 à l'heure. Alors, pas au début, ça reste quand même assez, on va dire... Lent. On va dire que ça reste assez classique. Mais une fois qu'on a déverrouillé un truc assez sympathique qui s'appelle le relais, le transfert, c'est ça en anglais ? Le transfert ? Ça c'est une mécanique un peu bizarre, c'est que dans Persona 5 ça s'appelle le Baton Pass et c'est débloquable en montant les confidents. Alors que dans Persona 5 Royal, c'est inné et c'est accessible dès qu'on peut l'obtenir en fait. On n'a pas besoin de monter les confidents 5, dans P5R. Dans Persona 5, il me semble qu'il faut augmenter le confident au niveau 2. Quoi. Oui, c'est ça. Après, je trouve que c'est un petit peu... je trouve que c'est un peu unbalanced, parce que vraiment, le relais, c'est extrêmement fort. Si on compare, par exemple, à Bug Fables, dont on a parlé la dernière fois, là où le relais, pour le coup, ça baisse l'attaque... C'était plutôt un peu ouais, du dernier secours, du dernier recours dans Bugfables. Là c'est open bar. Parce que vraiment, il y a des boss qui sont des sacs à PV, et du coup, si tu veux leur faire des dégâts, faut faire une chaîne de 4 relais, sinon ils prennent pas de dégâts. Et en plus, oui, les relais, on peut faire une chaîne de relais qui peut monter jusqu'au niveau 4, et à la fin, on peut atteindre des dégâts indécents, avec des 2000, 3000 de dégâts. Alors, dites-vous comment fonctionnent ces relais. On va prendre un exemple assez simple. On a un ennemi qui est faible au feu, un ennemi faible à la glace, un ennemi faible au vent et un ennemi faible, je sais pas moi, à la lumière, j'en sais rien. Premier truc qui me vient à l'esprit. Vous avez un personnage qui va mettre à terre la personne qui est faible au feu, qui va passer le relais à la personne qui va permettre de mettre à terre l'ennemi qui est faible au vent, qui va elle-même passer le relais pour déstabiliser celui qui est faible à la lumière, et cette personne va ensuite passer le relais à la personne qui possède le pouvoir pour mettre à terre l'ennemi qui est vulnérable à la glace. Donc c'est complètement craqué, et une fois que vous avez fait ça, et bien il y a ce qu'on appelle le hold-up. Qui déclenche trois choses si vous le souhaitez. Première chose, c'est une grosse attaque de mêlée qui est bien stylée. La all-out attack, la fameuse. Par la mort de tous les ennemis. Je pense que vous avez, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous voyez. Vous avez la possibilité. Oui, pas obligatoirement la mort. Pas obligatoirement la mort, mais je dis lorsque tous les personnages meurent, ça se finit sur un. Oui. Sur un truc bien stylé. Vous avez la possibilité de recruter ces ennemis. Et vous avez la possibilité, je crois, de leur demander de l'argent, si mes souvenirs. Demander de l'argent, un objet, ou de les recruter. Ah oui, c'est ça. Demander, effectivement, de recruter c'est assez profond dans son gameplay, enfin dans cette idée-là, parce que chaque ombre en réalité est une persona obtenable, entre guillemets, sauf cas exceptionnel, mais du coup, chaque ombre a aussi un caractère, entre guillemets. Donc ça peut être timide, énervé, et timide, énervé, dépressif et enjoué. Et les options de dialogue sont pas les mêmes, parce qu'il faudra discuter avec l'ombre pour qu'elle se souvienne qu'elle est plus qu'une ombre et qu'elle est en fait une persona, et qu'elle vous rejoigne. Est pas une mécanique que je trouve exceptionnelle dans le sens que ça devient très vite long de rater une persona parce que juste t'as pas les bons dialogues les dialogues sont un peu cryptiques donc ouais j'ai pas trouvé spécialement le souci c'est que c'est que de l'écrit c'est pas de on n'a pas entre guillemets cette espèce d'intonation que bon le personnage parle pas vraiment. Je crois que dans le 5, t'avais même pas la possibilité de savoir quel caractère ils avaient. J'ai un doute. Je suis pas sûr. Moi, je crois que c'est pas le cas, il me semble. Ça a été rajouté dans Royal, si mes souvenirs sont bons. J'ai un petit doute. Je peux peut-être me tromper, ça fait longtemps. J'ai pas révisé ce domaine-là. Et en gros, les personas que vous allez recruter, puisque c'est des recrues, finalement... Eh bien, elles vont rejoindre votre personnage principal, et j'ai dit tout à l'heure que votre personnage principal pouvait utiliser plusieurs personas, et ces personas vont évidemment avoir des forces, vont avoir évidemment des faiblesses, vont avoir des attaques qui vont leur être propres, des attaques ou même des sorts qui vous permettent par exemple d'augmenter l'attaque, d'augmenter la défense, de soigner vos alliés par exemple. D'ailleurs, les sorts de buff, debuff, c'est un beau bordel au niveau de leur nom, mais bref. C'est ça, je vais même pas m'amuser à les dire. Et évidemment, lorsque vous finissez un combat en ayant tué tout ou partie des ennemis, vous obtenez de l'expérience. Et cette expérience, eh bien, va au persona. C'est pas à la persona, je crois que c'est aux persona qui ont été utilisés dans le combat. Mm-hmm. Par contre, je sais pas si l'expérience est divisée entre les personas. Je crois que c'est divisé. Je ne sais plus du tout. Donc. En tout cas, après le souci qu'on disait par rapport à cette mécanique de persona, c'est qu'en fait, très vite, du coup, vous savez que le perso, du coup, dans chaque jeu, le perso a une persona attitrée, entre guillemets, qui est sa persona, on pourrait dire canon. Donc dans Persona 3, donc c'est Orphée, dans Persona 4, c'est Izanagi. Et dans Persona 5, du coup, c'est Arsène, donc en référence à Arsène Lupin. Alors tout le jeu a un thème autour des voleurs, mais... Et le problème, c'est, alors vous allez peut-être être déçu si vous connaissez que Persona via Smash, mais la Persona canon du personnage principal, elle est nulle à Yesh. Elle est nulle. Donc vraiment, pour vous dire... À partir du niveau... Je crois que son attaque... sa dernière attaque, parce qu'elles apprennent des attaques en montant des niveaux, c'est un peu comme des Pokémon. Sa dernière attaque, elle l'apprend au niveau 20, et entre le niveau 8 et le niveau 14, elle n'apprend rien. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est un peu un autre problème que je trouve. C'est extrêmement laborieux d'XP une personne. Ouais. C'est surtout si elle est sous level. Surtout si elle est sous level, c'est très très compliqué. Il y a un moyen, qui a été rajouté dans Strikers pour ça, qui est vachement bien. C'est très très compliqué de ramener une Persona sous level à un niveau équivalent. C'est très très dur. Et c'est pour ça que du coup, bah, ta Persona de base, bah, du coup, vu qu'elle démarre à des sous level, bah, en fait, pour vous dire, moi, mon Arsène, on finit le jeu à peu près niveau quoi, 90, 95, près. Royal ou P5. Royal. Oui, tu finis niveau 90, 95. Arsène était niveau 12. Moi, le mien était niveau 6. Du coup, moi, je l'avais fusionné. Et là, je joue à Persona 3 et c'est pareil. Mon Orphée, là, je suis niveau 25, je crois 26. Et mon Orphée, il est niveau 8 et je l'ai. Et il est au fin fond du compendium. Hein, genre, vraiment. Parce que. Alors après, c'est pas, ouais, en fait, c'est pas rentable d'XP à Persona. T'as mieux fait d'en crafter des nouvelles qui seront plus haut niveau, avec des meilleures attaques et tout. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que les personnages que vous avez, vous pouvez les fusionner pour créer des personnages plus puissantes. Donc c'est généralement la voie que vous allez prendre lorsque vous allez avoir, une persona qui va être sous level par rapport aux autres, vous allez choisir de la fusionner avec une autre pour créer une persona plus puissante. Mais c'est très très compliqué de partir avec cet handicap, d'autant que des fois, sur certains donjons, ça peut coincer, parce que y a des ennemis qui vont être plus enclins à utiliser tel type d'attaque que d'autres, et ça peut vous pénaliser dans le sens où si vous n'avez pas une persona pour pour contrer. Non, pas forcément contrer, mais juste être fort face aux différentes attaques des ennemis, ça risque d'être un peu problématique. Ça arrive pas souvent, hein. Moi je crois que ça m'est pas spécialement arrivé d'ailleurs, mais je sais que pour certaines personnes c'était un petit peu compliqué ce style. Je pense qu'on va pouvoir commencer à parler au moins un petit peu du début du scénario, donc jusqu'à la fin du premier palais. En gros, pour faire très très simple... vous êtes un... Vous incarnez, bon, dans ce cas-là, ce sera Joker pour Persona 5, qui arrive à l'Académie Shujin, qui est c'est un étudiant qui a été transféré. Il s'est passé des choses pas très très, pas très très jolies, il a été accusé d'agression, etc. Il s'est fait renvoyer de son ancien lycée, bref. Et vous arrivez dans l'Académie Shujin, et le tout premier jour, peut-être le deuxième, je suis pas sûr. Vous allez faire la rencontre d'un jeune homme blond qui s'appelle Ryuji. Et en marchant vers l'école, vous allez être transporté vers un château médiéval qui remplace l'école. Et c'est ainsi que commence le scénario. Vous êtes rentré dans le métavers sans le savoir, et vous êtes en prison. Vous êtes en prison dans ce château la cale, entre guillemets. Enfin, la cale, c'est dans un bateau, mais... C'est... Les profondeurs du château. Et c'est là où, justement, vous allez éveiller Arsène, vous allez essayer de vous sortir d'ici et de trouver peut-être la réponse à ce que c'est. Et vous allez rencontrer l'un des premiers méchants du jeu, vous allez rencontrer Kamoshida, un gros bâtard que tout le monde déteste. Qui est prof à l'académie. Et vous allez voir que c'est un énorme pervers qui est vantard, qui a un ego surdimensionné. Et quand vous allez réussir à sortir de cet endroit avec l'aide de Morgana, le petit chat et la mascotte de la série, enfin de l'épisode, voilà. Parce que chaque persona a une espèce de mascotte. Dans ce cas-là, ce sera Morgana. Et bah, vous allez revenir à l'académie le lendemain, recroiser Kamoshida, qui ne se souvient de rien. Il ne se souvient absolument pas de vous. Alors que, bah, vous l'avez croisé. Et vous allez apprendre à comprendre ce que c'est le principe de shadow de quelqu'un, enfin de l'ombre de quelqu'un, et de comprendre un petit peu plus en détail ce que c'est le métavers, ce que c'est les palais, puisque vous allez apprendre que ça s'appelle un palais, et que vous êtes dans le palais de Kamoshida. Et comment voler le trésor qui est la matérialisation des rêves de machin chouette, qui se trouve tout au bout. Et ça va permettre de changer la personne. Ça va permettre pas de le rendre gentil, mais de lui faire avouer les crimes qu'il a fait. Et ce sera votre objectif, et c'est ainsi que vous formerez les Phantom Thieves. C'est un personnage très intéressant parce que déjà, il est proche du cosmos, enfin, pas du cosmos, mince. C'est un personnage du microcosme, merci. Il est près du microcosme du collège, de l'université, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je crois que c'est collège, il me semble. C'est une. C'est plutôt un lycée, je pense. C'est plutôt un lycée. Donc, c'est un méchant d'une certaine manière qui est accroché à l'endroit dans lequel vous arrivez, et vous allez rencontrer différentes personnes qui connaissent plus ou moins bien Kamoshida, dont Anne. On a parlé de Ryuji tout à l'heure. Anne va aussi être un personnage prépondérant dans ce premier palais. Il va y avoir l'ami de Anne, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mishima, il me semble aussi qu'on croise dans ce premier. Oui, Mishima qu'on croise le deuxième jour, je crois. Donc en gros, le début du scénario, c'est vraiment une scène d'exposition pour vous dire ce qu'il va falloir faire et en gros comment vous allez devoir vous y prendre pour faire changer la personnalité de quelqu'un et lui faire confesser ses crimes. Et je trouve que c'est un premier antagoniste assez intéressant. Dans l'univers de Persona 5. Il est plutôt local comparé aux autres. À la suite du jeu. C'est ça. Certains trouvent que c'est un défaut, moi je trouve pas. Mais que les autres soient plus éloignés et pas vraiment proches de moi. Je trouve parce que tu t'éloignes un peu des. T'éloignes un peu comment de. Je sais pas, t'as peut-être moins d'attache envers le destin, la destinée des personnages que tu vas rencontrer par la suite. Je suis pas spécialement d'accord. Si on voit les persos qui sont spécifiques à Royal, qui sont relativement éloignés de ce qui s'est passé, parce que c'est pas des victimes directes de Kamoshida ou même ceux qu'on voit plus tard dans le scénario, t'arrives quand même à comprendre leur motivation. Le dernier, on en reparlera à la fin, le dernier, je suis absolument d'accord avec toi, je trouve d'ailleurs que c'est peut-être le meilleur personnage de Persona 5. L'un des meilleurs méchants, oui et non, mais... Avec le perso avec lequel il est en tandem, en fait. Oui, peut-être même un des meilleurs antagonistes de RPG que je connaisse, pour ma part. Oui. Je suis assez d'accord pour le coup. Mais moi je trouve qu'il a. Ouais, vraiment, ils ont bien bossé sa personnalité. Mais on en reparlera après. On en reparlera plus tard. On commence un petit peu à dériver. Faut se calmer. Mais du coup, non, moi au contraire, c'est plutôt Ryuji où j'ai un peu de mal parce que pour le coup, je trouve que comparativement, il lui arrivait quand même des trucs vachement moins graves que les autres parce qu'on parle quand même de sujets sérieux. Peut-être pas dans un. Jusqu'au premier palais, on l'a dit. Jusqu'à la fin du premier palais, si, on est conscient que on est au courant de ce qui s'est passé avec Anne, oui. Bah Anne, du coup, a été, alors c'est pas dit explicitement dans le jeu, mais a été sûrement agressée sexuellement ou au moins harcelée sexuellement. C'est pas extrêmement clair. C'est ainsi que le premier produit en croix passa en PEGI 18. Mais elle est pas, c'est pas dit dans un dialogue lorsqu'ils vont discuter avec Joker dans un café, non. Explicitement, on dit c'est pas dit explicitement, mais bon. Ah. En fait, on ne sait pas si cette fois-ci elle a refusé et du coup Shio a pris à sa place, ou alors si jamais c'est que la meilleure amie de Han. Toujours refusé. Oui, la meilleure amie de Han. Qui va être un personnage très important parce que, ben, on va le dire, elle va tenter de se suicider tout simplement. Donc, très dur au début. Ouais, le jeu est vraiment très lourd. Parce que ça, faut vous dire, ça se passe dans les deux, dans les 3-4 premières heures de jeu. Et c'est là où je comprends pas les gens qui disent « Non, mais Persona, moi, je veux pas jouer parce que, tu vois, c'est pour les adolescents, tu vois. » Alors que le jeu, il traite de thèmes, je sais pas, très encore très plus, entrés, encore plus avec Royal, ça a aucun sens. Royal, ouais. C'est, le jeu. Vraiment, si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez des gens dans ce cas-là, vraiment découvrez Persona 5, vous allez être surpris au niveau des thèmes qui sont abordés. Par l'interview, du coup, qui sont un peu, si on peut un peu expliquer du coup leur mode d'opération plus en détail. Si tu sais juste te rapprocher un tout petit peu de ton micro. Désolé. Du coup, si on peut exprimer un petit peu plus dans les détails leur mode d'opération, comment ils changent la conscience des gens. Bah vas-y, je te laisse le faire. Du coup, en fait, ce qu'ils font, du coup, c'est qu'ils s'infiltrent dans le palais, du coup, qui est la représentation du psyché des personnes qui ont, du coup, une psyché corrompue. Et du coup, à l'intérieur de ce palais, ils vont voler un trésor. Donc voilà, donc on reprend l'esthétique un peu des gentlemen cambrioleurs, d'Arsène Lupin, etc. Ça rend le jeu assez unique. Et du coup, ils volent ce trésor, et du coup, ça fait changer la personne. Du coup, elle avoue ses crimes, elle se rend compte que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, etc. Et du coup, c'est assez intéressant parce que vu que vraiment on va parler de sujets graves avec des gens qui sont vraiment qu'ont vraiment eu des traumatismes vis-à-vis de personnes qui ont vraiment fait des choses horribles, bah du coup on va vraiment rentrer dans cette approche un peu psychique et on est quasiment sur un peu une forme de psychonaute moderne où vraiment c'est très vrai. C'est ça, où en fait on va se vraiment, parce que le palais, c'est fou comme la narration visuelle des palais est hyper explicite. C'est-à-dire que vraiment, tu sens, t'arrives à te représenter exactement par toutes les représentations qu'il y a à l'intérieur des palais de pourquoi la personne elle est comme ça, etc. Pourquoi elle est maléfique, comment elle considère les gens autour d'elle, comment elle se considère elle présentement. Vraiment, c'est super bien fait. On sent qu'ils ont beaucoup travaillé. Par exemple, si on prend juste l'exemple du premier palais, quand on sait que Kamoshida, il se considère comme le roi du château et c'est son... Parce que Kamoshida est le prof de PS de Shujin. Son équipe de volleyball comme ses esclaves. Il y a une assez forte symbolique derrière. Et comme Han, comme sa princesse, et qu'il l'imagine en sous-vêtements... H24. Enfin, c'est pas non plus. On vous le pose devant les yeux au bout de 2 heures de jeu. On vous dit, voilà, ça c'est Kamoshida. Faites-en ce que vous voulez. Ça, et qui va finalement être châtié pour ses crimes. Mais genre, je trouve vraiment que ouais, le jeu a vraiment un traitement de ses personnages qui est assez intéressant. Et je trouve ça un peu triste que du coup, Ryuji, ça soit le premier qu'on rencontre du coup. Et qui est vachement moins développé. On a l'impression qu'il a, je sais pas, Ryuji, moi j'ai eu du mal parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas à la hauteur des autres personnages. Je me demande si c'est parce que les deux personnages, à savoir Ryuji et Han, font pas doublon. Parce que à chaque nouveau palais, t'as un personnage qui se rajoute, et là t'en as deux, plus Morgana, mais Morgana est un peu à part. Et je me demande si c'est pas le fait qu'on ait deux personnages qui aient subi les mêmes... Deux victimes de Kamoshida, je me demande Niveau message, je trouve qu'elles font doublon. Niveau personnalité, pas du tout. Parce pas, que du tout est... oui. Pas du tout la même personnalité. Je pense que je parle pas au niveau personnalité, je parle vraiment au niveau du message qu'elles essaient de transmettre vis-à-vis de Kamoshida, pour le coup. Je pense que ça aurait peut-être mérité en fait qu'ils aient deux palais différents. Peut-être que, du coup, qu'on sépare un peu le personnage. Parce qu'en fait, le problème de Kamoshida, c'est qu'il y a vraiment deux péchés, entre guillemets, différents, tu vois. C'est-à-dire qu'il maltraite l'équipe de volleyball, et c'est un pervers... Ah, il harcèle sexuellement des meufs, quoi. alors que les autres, sans aller trop dans les détails, les autres antagonistes sont plutôt monolithiques. Généralement, ils représentent vraiment un aspect principal, alors que là, Kamoshida a vraiment deux aspects différents, du coup, qui sont incarnés à la fois par Ryuji et par Han. Et c'est peut-être pour ça que, du coup, il y a ce truc de Ryuji, du coup, il lui arrivait un des trucs un peu moins pire, parce que, du coup, bah, cet aspect de Kamoshida est moins insisté que l'autre aspect. C'est peut-être pour ça que... Bah, d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est pas vraiment amusant, mais c'est assez sympa de voir que vraiment la partie luxure et la partie esclavagiste entre guillemets de Kamoshida, elles sont très très séparées, parce que toute la mécanique des esclaves, elle est en sous-sol du château, alors que la luxure, c'est plus on monte en hauteur dans le château, plus on va dans les tours, etc., plus on voit que ça monte crescendo de plus en plus, avec la dernière salle qui est bon, en gros il y a des statues de cul géants. Et c'est vraiment deux choses très très distinctes et qui sont très très éloignées l'une de l'autre. Mais on sent que même dans le palais, ils avaient un peu le cul entre deux chaises. Mais c'est vrai qu'il y a une très très belle mise en scène, un très très bon game design, level design même, du premier palais, que je sais pas, je vais peut-être pas retrouver dans les autres finalement ce truc. Je suis en train de me faire tous les palais en mémoire et j'ai pas le souvenir de ça dans les autres palais. Je trouve pas que pour vous, mais le premier palais est très laborieux. Parce qu'il a un cul entre deux chaises. En fait, le problème, c'est que en fait, dans les autres palais, quand on passe dans une zone, on n'a plus trop besoin d'y retourner. Bon, sauf cas exceptionnel, par exemple dans le deuxième. Par exemple, on n'a pas. Là, on revient deux ou trois fois dans la zone des esclaves on y revient plusieurs fois. Je crois qu'on y revient. Bah, on y vient au début une fois. La deuxième fois pour inspecter, et la troisième fois, si je dis pas de conneries, c'est... J'ai un petit doute sur la troisième, mais je crois que c'est quand on doit sauver Anne. Oui, il me semble que c'est ça. Demande si elle est pas couplée avec la deuxième. Et je crois que Anne, c'est pas le même jour que tu sauves Anne, et... Parce que forcément, faut qu'elle... qu'elle absorbe un petit peu ce qui lui est arrivé, quoi, du coup... Du coup, non, c'est pas le même jour, il y a un petit retour. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de voir à quel point le perso... J'ai re-regardé, parce que du coup, il y a un compte Twitter qui s'appelle... je crois que c'est Today in Persona 5. Et du coup, qui retrace un petit peu... Bah, forcément, vu que c'est sur une année, il te dit chaque jour qu'est-ce qui s'est passé dans Persona 5. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était il y a pas longtemps, en soi, le début du jeu. Là. C'était il y a deux jours, trois jours. Ouais, bah le 15 avril, c'est ce qui se passe avec Shio, du coup, de très important. Ah oui. Et du coup, là, j'ai vu récemment, du coup, la scène de Anne, et du coup, vraiment, elle est super bien retranscrite. Je trouve que vraiment, je sais pas s'il y a ça dans Persona 4, mais il y a aussi ça dans Persona 3. C'est-à-dire que je trouve que le jeu est extrêmement généreux en symbolique, en fait. C'est-à-dire que je ferai peut-être du coup une vidéo là-dessus, mais toute la symbolique du masque, de vraiment se dire je monte mon vrai visage, tu vois, j'arrache parce bah que dans, ouais, dans Persona 4, oui, il y a mais c'est encore plus ça dans Persona 4, parce que dans Persona 4, c'est vraiment, sans trop en spoiler, c'est l'acceptation de sa part d'ombre. Bah, c'est ça. Encore plus énervé. Mais sans trop rentrer dans les détails, y a une phrase qui revient énormément dans Persona 4, c'est je refuse que tu sois moi, et après les ombres se transforment, etc. Et toute la symbolique, c'est vraiment d'accepter, de s'accepter soi-même, et c'est un peu beau, c'est un peu joli. Il y a un peu ça dans Persona 3 aussi, où tout le jeu est... Bah, d'ailleurs, si vous regardez... la cinématique d'intro, donc avec la musique Burn My Dread, c'est dur à dire. où il y a tout le truc qui va être, où il y a Memento Mori partout, et du coup ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir, et du coup il y a toute cette esthétique aussi de du coup il se tire une balle dans la tête pour bien montrer qu'ils ont pas peur de la mort, etc. Du coup ouais, je trouve que Persona, ils ont su travailler ce sens de pas juste faire des combats pour faire des combats. Il y a vraiment une esthétique qui est travaillée, même dans les menus, l'esthétique est extrêmement travaillée, je pense qu'on y reviendra. Ah, mais les menus sont magnifiques, hein. Les menus de Persona 5 sont magnifiques. Et même au niveau du scénario, je veux dire, c'est ultra signifiant. C'est vraiment, c'est pas juste un jeu où tu joues et tu te demandes de « ah ouais, c'est sympa ». C'est vraiment, le jeu te fait réfléchir, le jeu pose des vraies questions, un vrai message, tu sens qu'il veut dire quelque chose. Je vais peut-être, parce que pour le coup, peut-être dans la partie royale, je parlerai et on parlera tous de comment on a perçu le message du jeu. Mais oui, tu sens que le jeu, il te dit pas rien, quoi. Il te dit pas un message creux, genre l'amitié c'est important et les méchants ils sont gentils, tu vois. T'as sauvé la princesse et... Il a vraiment un message, et ça c'est un truc que j'ai trouvé hyper agréable, parce que c'est vrai que des jeux qui vraiment transmettent un message comme ça important dans les... Parce que je sais pas si on peut qualifier de Persona 5 de triple A, Persona 5 Royal peut-être déjà plus un triple A que Persona 5. Je sais pas. Moi je considère peut-être pas ça, un gros jeu peut-être, mais peut-être pas un triple A non plus. C'est à l'époque... un jeu à ambition. À l'époque, lorsqu'il est sorti Persona 5, donc là on parle de 2016, hein, sorti au Japon en septembre 2016, il avait quand même mis au banc Final Fantasy XV, qui est pas la série Final Fantasy sort de quelques années de compliquées avec notamment Lightning Returns, etc., etc. Donc je sais pas trop la position d'Atlus, mais le jeu s'est quand même bien vendu. Ça a été, je pense, l'un des... En fait, c'est là où vraiment, à partir de, je pense, peut-être Golden, mais plus Persona 5, c'est là où vraiment le jeu est sorti de sa niche et c'est devenu une grosse niche. Mais je pense qu'il a profité d'une année 2017 exceptionnelle niveau jeu et qu'on s'est un peu tous intéressés à ce qu'il y avait. Et puis, il y a aussi le fait que le Japon est redevenu une force d'une certaine manière dans le jeu vidéo, parce qu'il y a eu un passage où les Japonais ont tenté une certaine occidentalisation de leur jeu. Final Fantasy XV en est un exemple, la série Resident Evil en est un autre, qui n'a pas très bien marché. Ils sont revenus d'une certaine manière à leur base, et à partir de cette période-là, le jeu japonais a commencé petit à petit à redémarrer, à redevenir quelque chose de qualité, sans vouloir faire injure aux jeux qui sont sortis avant. Donc il y a peut-être que le jeu sort aussi de cette période-là, on va dire, il sort vraiment dans la parfaite période où le jeu japonais commence à reprendre de l'élan avec Nier Automata, avec Breath of the Wild, qu'on évoquera dans un prochain produit en croix. Voilà, il y a eu tous ces jeux-là qui sont... Je pense qu'en fait, ils sont... Les Japonais se sont rendus compte surtout que... alors, moins aux États-Unis, parce qu'il faut bien comprendre que les États-Unis, ça c'est historiquement, hein, ils ont toujours eu tendance à se méfier un peu du Japon. Mais la culture japonaise commence à être mainstream, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette optique où dans les années 80, où vraiment la culture manga c'était quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup moins admis, où on essayait de masquer toute présence de Japon dans les animés où Olivier Tom, ça se passait à Paris. Les fameux... C'est les beignets à la confiture, c'est ça, dans Pokémon ? Confiture dans Pokémon ? Oui. Je pense qu'on n'est plus dans cette optique-là. On s'est rendu compte que le Japon, c'était quand même la deuxième puissance. Ça existe. Et qu'ils avaient un soft power qui était quand même assez impressionnant. Et du coup, on accepte le fait qu'on n'a plus besoin d'occidentaliser les jeux... que c'est bon, on connaît la culture japonaise fait vendre, que les RPG, il n'y a pas que les Japonais, qui sont capables de jouer à des RPG, et que vraiment, je pense que vraiment, on est dans une entre, et le succès de licences comme Persona, comme Fire Emblem, le retour de Fire Emblem en Occident, c'est un peu plus vieux pour le coup, mais avec Awakening, du coup, Awakening, c'est 2013. 2012, non ? Ouais, c'est ça, il me semble. 2012, 2013. 2014, ou 2012, bon, entre les trois. Un peu comme ça, quoi. En tout cas, c'est après 2011, parce que la 3DS, c'est 2011. Mais du coup, avec la licence Fire Emblem, du coup, qui est aussi très liée à Persona, hein. On le dit pas assez, mais la licence Fire Emblem, quand même, ressemble beaucoup à Persona. Surtout Fire Emblem Fire 6, qui pour le coup... C'est un simili Persona, de ce qu'on m'en a dit. Bah, en gros, c'est pareil, vie lycéenne, où tu dois faire des confidences, tu dois leur offrir des fleurs. Vraiment, c'est globalement la même chose et tu sens qu'ils ont fait ce truc. Alors juste, t'as le spectre, du coup, t'es un prof et t'es pas un élève, mais t'as le même âge que tes élèves, du coup, c'est un peu bizarre. Mais, ah oui. Mais du coup... Vraiment, dans les années 2010-2015, il y a eu... Je pense, sans parler forcément d'histoire récente entre le Japon et les États-Unis, il y a eu vraiment une mainmise du marché du jeu vidéo sur les AAA américains à gros budget. Sans parler de GTA, on peut évoquer Red Dead Redemption, on peut évoquer la série, on peut évoquer la série Just Cause, on peut évoquer la série Mass Effect. Sans parler de GTA, cite un autre jeu Rockstar. On peut vraiment évoquer tous ces jeux-là. Et je pense que le jeu vidéo japonais a traversé une crise identitaire à ce moment-là et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et Nintendo d'ailleurs, hein, l'échec de la Wii U, c'est dans ces années-là, ouais, avec des jeux qui, d'une certaine manière, ne parviennent pas à trouver leur public, mais qui peut-être plaisent moins. Alors on tente des choses pour essayer d'intéresser les gens, puis finalement ça marche pas, donc on essaye de rétro-pédaler. Moi, je pense surtout que le jeu vidéo japonais a traversé cette crise identitaire marquée par les Assassin's Creed, marquée par les Far Cry, marquée par ces jeux-là, où tout devait être carré en open world avec des gigantesques mondes ouverts, sans forcément, permettre au jeu d'être plus intéressant avec ça. Open world, c'est un autre sujet. Et depuis quelques années, vraiment, il y a des séries. On parle de Persona, mais il y a la série Yakuza qui est en train d'exploser aussi. Oui. Shin Megami Tensei là, qui revient avec un remake du 3 et le 5. Absolument. Donc il y a vraiment une prise de confiance des Japonais qui est plus importante, selon moi, sur ces dernières années qu'au début des années 2010. Ace Attorney qui est aussi, bon, c'est pas exactement le même style de jeu, mais Ace Attorney qui a fait beaucoup de ventes avec Ace Attorney Trilogy, du coup, qui est sorti sur pas mal de supports, et du coup qui fait un peu une entrée fracassante, du coup, parce qu'avant c'était des jeux de niche. Hein, bah, encore plus en France, surtout 2020-2021, là j'ai l'impression que tout le monde s'est dit « c'est sympa Ace Attorney, venez, on fait ça en stream ou sur YouTube ». Et ouais, du coup, clairement, il y a une résurgence. Pensez à Alexis TGF. Du Japon, oui, après une traversée du désert. Où vraiment t'as beaucoup de licences. Je pense que vraiment le jeu vidéo japonais a gagné à assumer son côté japonais. Si on regarde Breath of the Wild, Breath of the Wild, c'est du Ghibli. Hein. C'est-à-dire que les thèmes, on a beaucoup moins ces thèmes en Occident des grandes étendues sauvages, etc. Du monde un peu plus. Nous, ça serait plutôt du post-apo. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent que Breath of the Wild c'est du post-apo, alors que c'est pas vraiment. Je suis moyennement d'accord avec pas trop d'accord. Cet argument. Moi, ça l'est, mais on en reparlera dans le prochain épisode. Ça l'est, mais pour moi, c'est pas assez poussé. Mais on en reparlera après. Non, mais c'est pas une question de pas pousser, mais tu sens qu'il y a cette idée d'un peu de se rapprocher du Ghibli, de se rapprocher de ces films japonais, justement, où on a vraiment. Le Japon a toujours été très attaché à sa nature, etc., a toujours dépeint sa nature de façon très, très élogieuse, et je pense que du coup le jeu japonais justement cultive un peu son particularisme japonais, justement. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que là on parle de nature, mais dans Persona, bon, il n'y en a pas, mais ça se passe à tout. Dans le 4, il y en a un peu plus, parce qu'on est plus dans une ville, on est dans une ville de campagne, dans le 4. Enfin, dans une ville de campagne, j'avais cru avoir dit village. Mais dans le 5, ça se passe en plein milieu de Tokyo, limite. Puisque le quartier principal, c'est Shibuya. Même pas limite, hein, ça se passe... C'est bien Tokyo. Et on assume le côté japonais, parce que bah, c'est Tokyo, c'est les quartiers de Tokyo, c'est des boutiques de Tokyo, c'est... Kabukicho, c'est Shinjuku. qui est un des quartiers aussi importants dans l'histoire de Persona 5. On y reviendra. En soi, on peut commencer à attaquer ça parce que je vois que ça fait déjà une heure qu'on. Enfin, ça va faire bientôt une heure qu'on me la blatte. Ah, moi, je disais, on fera deux épisodes. Hein. Non, j'aimerais juste rajouter un tout petit truc. On n'a pas parlé du fait que Persona était intimement lié au temps avec le fait que c'était chronométré, entre guillemets. C'est pas chronométré minute près, je vous rassure. Mais déjà, on vous l'a dit, ça se passe sur une année scolaire. Donc, qui se déroule en semestre. À la fin des semestres, vous avez des examens et vous devez passer ces examens, puisque vous allez devoir répondre à des questions. Bon, tout le monde triche, tout le monde va sur Google, mais soit. Vous les pas. Et spoil, vous les aurez. oui, parce que tout le monde triche, tout le monde va sur Google, parce que bon. Et puis même, au bout d'un moment, parce qu'il y a des statistiques à maxer, connaissances. C'est proficiency en anglais, j'ai plus le nom français. Courage, charme et j'ai plus la dernière. C'est la débrouillardise, non, proficiency, un truc dans le genre. Non, maîtrise. Maîtrise, ah, merci. Je sais pas quand je dis un truc. Et je me souviens plus de la dernière, bref, on s'en fout. Donc tout ça, c'est des stats à maxer. Et au bout d'un moment, quand vous êtes en 5 en connaissance, pour avoir fait le test, vous pouvez mettre que des mauvaises réponses. Je n'ai mis que des mauvaises réponses. Vous êtes 10e. Voilà. Comme quoi, faut pas. Juste un truc par rapport au cours de Persona 5, vous avez des questions de culture générale. Oui. Et c'est très très cool parce que non seulement ces questions vous apprennent des choses, mais en plus elles sont intimement liées au scénario du jeu. Oui. Et je trouve que ça c'est vachement un petit clin d'œil vachement sympathique. C'est ultra signifiant parce que. Ah, ça va spoiler un petit peu. Peut-être que j'en parlerai dans la partie spoil, mais vraiment, il y a une question que j'ai notée pour le coup, parce qu'elle est vraiment super intéressante vis-à-vis du message du jeu, et que du coup, si tu passes un peu vite, en mode, tu réponds un peu automatiquement, du coup, tu rates un petit peu un aspect, parce que vraiment, le jeu, comme j'ai dit, le jeu porte son message, et vraiment, le jeu laisse rien au hasard. Et donc, quand vous êtes en soi dans un palais, enfin, quand vous êtes, entre guillemets, pas dans le palais en tant que tel, mais dans le moment où vous pouvez explorer le palais, vous êtes limité par le temps, par une raison X ou Y, soit le mec va appeler la police, soit vous allez être dénoncé, soit... on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous devez rendre de l'argent ou un truc comme ça. Il faut envoyer la fameuse calling card, la carte de visite. Je suis pas très d'accord avec cette traduction, mais bon... Voilà. Ouais, carte de visite. Ouais, mais je trouve que ça fait pas. Bonjour, nous sommes les Phantom. Voilà, ça fait un peu hôtel ou témoin de Jéhovah, tu vois. Enfin. Je suis pas d'accord parce que vu que le jeu emprunte beaucoup du coup à Arsène Lupin, c'est le terme qui était utilisé par. C'était le. Bien sûr. Ok, non parce que ça pour le coup je le savais pas. Ça. Et même si on prend dans d'autres œuvres culturelles type Ace Attorney où il y a aussi une histoire, je veux pas dire dans lequel pour pas spoiler, mais il y a aussi je sais laquelle c'est donc. Sur en série, ils appellent ça aussi une carte de visite. Donc pour le coup, okay. c'est un terme qui est assez juste. Vous êtes limité en temps par vos actions, donc souvent c'est entre 10 et 20 jours pour faire un palais. Et une fois le boss battu, vous avez encore... si vous l'avez fait le dernier jour possible, du coup, le scénario continue. Mais si vous l'avez fait, par exemple, 5 jours avant la deadline, vous allez pouvoir continuer à... En général, là, c'est surtout des phases où vous essayez d'upper vos confidents, etc. Ouais. Et c'est un petit peu... Ça relève quand même un peu de stratégie, parce que... Tous les confidents sont pas disponibles tous les jours. Certains confidents sont disponibles que de nuit, donc il faut éviter d'aller dans par exemple, le Mementos la journée. Parce que sinon, vous êtes trop crevé et vous pouvez pas aller dehors la nuit quand vous sortez du métavers. Il faut un peu gérer son temps, parce que des fois, vu que le confident vous prend toute l'après-midi, si vous aviez prévu d'acheter des objets, c'est râpé parce que les commerces ils sont ouverts que l'après. C'est pas non plus c'est gentil hein. c'est, Ils sont ouverts le soir, les commerces ? Non, la... par exemple, genre la clinique, elle est pas ouverte le soir. Si, si, la clinique, elle est ouverte le soir. Ah bon ? Ouais, je sais pas la clinique et Untouchable, ils sont tous les deux ouverts le soir. Ah, j'avais un doute. Bah, faudra vérifier, mais moi, il me semble que vraiment, j'avais la clinique le soir. Et mais ouais, du coup, le bon après le jeu n'est pas non plus, comme je l'ai dit, n'est pas non plus à la minute près. Hein, vous allez pas. Si vous perdez un jour, bon, c'est pas grave. Sauf pour Royal où il faut pour débloquer les ajouts de Royal, il faut. On parlera peut-être un petit peu après. Ouais, ça. On en parlera peut-être un petit peu après, mais voilà. Alors, parlons du deuxième palais. Le deuxième palais qui est. Moment spoiler. Ouais. Là, c'est bon. On peut commencer à parler au niveau des spoilers. Tu fais un cut et tu mets moment spoiler. Voilà. Oui, bah oui, non, mais t'inquiète pas. Tu envoies les photos sur Facebook. J'envoie les photos sur le Facebook. Vous entrez dans une zone avec des chatons qui chantent. Mais ouais, à partir de... la rêve, ça fait plaisir. Bienvenue dans cette deuxième zone. Cette zone spoiler, on va commencer à parler de choses un petit peu plus touchy. Donc voilà, donc si vous avez vraiment envie de savoir le moins possible du jeu, on vous dit au revoir. Hein. Allez jouer à partir. Allez jouer, allez, lancez votre PS4 et allez jouer. On vous retrouvera dans 180 heures. Mais du coup, voilà. On passe au spoil à partir de la fin du premier palais et jusqu'au quatrième. Jusqu'au quatrième pour l'instant, parce qu'après il y a encore une autre, il y a encore deux zones spoilers, il y a encore deux autres zones spoilers après pour être sûr que. Qu'on fera peut-être pas aujourd'hui. Non, c'est mon avis mal barré. À mon avis, c'est mal barré. C'est vraiment mal barré. Bon, rentrons dans l'art. Deuxième palais, palais de Madarame. Ouais. Un de mes préférés. Moi aussi. Pas moi. Ah. Alors l'esthétique est très cool, mais je sais pas, je me suis un peu ennuyé dans ce palais. Il y a juste un truc que j'ai trouvé très cool, c'est l'idée des toiles. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être pas assez travaillé comme idée. De toute façon, ça aurait mérité un petit une zone un peu plus grande, parce que je crois que c'est utilisé 2-3 fois. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un peu la remarque que je ferais pour tous les palais du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées, mais je sais pas, j'aurais voulu un petit peu plus. Et désolé, James, si je t'ai coupé. Non, pas de soucis. Je disais, tu parles du passage dans l'étoile, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. Je parle du passage dans l'étoile, où tu switches de toile en toile. Vraiment. Je trouvais que c'était super cool et ça méritait plus. Mais bon. Je pense qu'on pourrait faire tout un jeu avec ce concept-là, honnêtement. Ouais. Ouais. Ça pourrait être très cool. Je trouve qu'il faut rappeler quand même que la licence Persona n'était pas habituée à ça, parce que c'était, comme l'a dit GG, dungeon crawler à la base. Donc les donjons purs à la Zelda, c'était pas des choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Et je trouve que pour une première expérience, ils sont vraiment très bien rendus. Encore plus dans Royal, parce que du coup, il y a le grappin qui rend le truc encore plus jouissif. Mais très honnêtement, je trouve que pour un premier jet, c'est vraiment très très bien rendu, et j'espère que du coup dans Persona 6 il y aura aussi cette mécanique. Ce modèle de donjons pour le coup qui sont fixes et parce que c'est vraiment super, ils sont super cool, et celui de Madarame honnêtement j'ai trouvé qu'il était cool. Mais je te rejoins sur ce coup là James, et je l'avais déjà évoqué quand je parlais de Persona 5 à l'époque. C'est justement le fait que c'était leur première fois sur des donjons comme ça. Mais je sais pas, on sentait justement que c'était la première fois. Et on en parlera un petit peu plus tard. Dans certains palais, ça se voit beaucoup que c'est la première fois. Après, mais ça n'enlève rien à la qualité du palais. Honnêtement. Comme j'ai dit, la narration visuelle est aussi un truc super important, comme j'en avais parlé après. Et je trouve que pour le coup, elle... On m'aurait dit que la licence, elle fonctionnait de la même façon depuis 20 ans. Parce que vraiment, la narration visuelle, elle est vraiment super cool. Mais il y a un truc qui est juste génial, par exemple. Parce que vous avez une carte dans chaque donjon. Oui. Les cartes que vous obtenez dans les donjons, ce sont des cartes que vous obteniez de manière logique. Par exemple, Madarame, c'est des prospectus. Voilà, parce que Madarame, le palais de Madarame, c'est un musée. C'est un musée. Donc, le musée de la vanité. Après, des fois, quand tu le tiens, c'est un peu bullshit. Hein, mais... Par rapport à quel palais? Je crois que c'est Kamoshida, ou c'est pas trop logique que t'aies le plan. Je sais plus, je crois que c'est directement Kamoshida qui te donne le plan et tu comprends pas trop pourquoi il fait ça. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non. Bah, en tout cas, hein, ou c'est genre le maître du palais qui te donne directement le plan et t'es en mode. Pourquoi il fait ça? Bah, c'est pas le tout dernier, justement? Non, c'est pas le tout dernier. Je sais plus du tout. Non, je crois que tout le dernier, faut que tu parles à un PNJ, je crois. Je sais plus. Ça dépend de quel dernier on parle. Le dernier de Royal. D'accord, parce que pour moi, il y a trois derniers palais. Hein. Oui, en soi, oui, il y en a trois. Mais moi, pour moi, c'est le dernier de Royal. Voilà. Bref, Madarame, qui est donc un méchant maître d'art, un sensei. Bah, le maître de Yusuke. Yusuke Kitagawa, et qui a plagié donc Yusuke, et qui se fait une fortune sur son dos, en gros. Bah, sur le travail de la mère de Yusuke. Absolument. Qui bah, du coup tout le palais, en fait, c'est Yusuke qui dit j'aime trop le travail de Madarame, il est vraiment trop bien, et nous on est en mode, mais mec, t'es conscient que c'est pas lui qui l'a fait. Il fait non, mais c'est de la merde, ça. C'est ça, c'est des rumeurs, ça. Et au final, il s'avérera que les rumeurs étaient bien fondées. Et c'est ainsi que vous débloquez le cinquième membre d'équipe. Non. Avec Morgana, oui. Avec Morgana, oui, ça fait 5. Ah oui. Qui sera basé sur Anne, c'est le feu, Ryuji, c'est l'électricité, et Yusuke, ce sera la glace, et Morgana, c'est le vent. C'est ça. Et pour le coup, Yusuke, ce sera plutôt la glace. Et d'ailleurs, je crois pas que c'est une quelconque utilité dans le palais. Le fait qu'il... Je crois pas que les monstres soient spécialement faibles à la glace. Ouais, un petit peu, comme à chaque fois. Le boss final du palais. Mais le boss, il change entre Royal et Persona 5. Parce que les boss changent entre Persona 5 et Persona 5 Royal. Mais moi, je crois que la glace avait été quelque chose de prépondérant, moi, si mes souvenirs sont bons dans ma partie. Moi, je sais que j'ai jamais utilisé Yusuke, donc je pourrais pas. Varazan nous taperait sur les doigts, mais parce qu'il a des capacités très très fortes, surtout au niveau des transferts, puisqu'il est capable de... En fait, il a des attaques qui boostent les dégâts quand c'est fait après un transfert. C'est notamment lui qui peut monter à des dégâts indécents quand... Mais quand t'arrives à la fin du jeu où t'as la moitié des ennemis qui renvoient le physique, je vois pas comment tu fais. Mais... C'est vrai que ça n'a pas grande utilité, mais... Mais le palais de Madarame, honnêtement, très cool. Avec toute la... Désolé, je crois que c'est coupé. Non, pas de soucis. Avec tout le jeu avec la sécurité, parce que Madarame a peur de se faire cramer. Il y a énormément de lasers, de caméras, enfin caméras, ça c'est plutôt le palais d'après, mais de lasers où on doit glisser en dessous, sauter au-dessus, puis même toute la fin, tout le vol du trésor, c'est vraiment... Est-ce que c'est pas celui qui fait le plus justement cambrioleur? Bah moi je trouve, avec le troisième. Je trouve que tous, enfin pas tous, mais... On a le château, donc ça, le château, c'est plus traditionnellement, je crois que dans Persona, il y a souvent des châteaux. Mais par contre, dès le deuxième, du coup, c'est un musée. Donc oui, effectivement, cambrioleur musée, ça a du sens. Non, je trouve qu'à chaque fois, on a un aspect... voilà. C'est pour ça, tout est réfléchi, vraiment. Et justement, à partir du 4, à partir du 5e, c'est un petit peu plus le bordel. Attends, faut que je remette. Bah, le 5e, c'est celui qu'on déteste. Oui, effectivement. Et tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste, le cinquième. Le boss, pas le palais. Hein. Moi, le palais, je l'aime bien. C'est le boss que j'aime pas. Non, le palais est sympa. Surtout moi, je trouve l'esthétique. Le palais... La première partie est vraiment, vraiment pénible. La première partie. Mais le boss est une horreur. On en reparlera dans on en reparlera la... après. On en reparlera. Alors, on parlait de deuxième palais, mais il faut savoir qu'il y a. Je pense que. Est-ce que vous êtes bon sur Madarame? Moi, Madarame, si ce n'est le boss que je trouve très cool. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas abordé, c'est Sae, qui fait la narration du jeu, du coup. C'est très vrai, puisque en soi, le jeu commence... sur la narration de Sae. Oui, il commence in medias res, le jeu. c'est ça. On commence, on fait un braquage dans un casino, c'est mystérieux, on ne sait pas, ce que c'est. Est-ce que c'est un palais, est-ce que c'est la réalité, on ne sait pas trop, parce qu'on voit des vrais humains à un moment, du coup. Mais on voit nos persos en tenue de Phantom Thief, enfin Joker en tout cas. C'est un peu mystérieux, et du coup ça aide nous surprend. Et du coup, on se fait arrêter par la police, on est en salle d'interrogatoire, et du coup, Sae va faire toute la narration du jeu. Et du coup, pourquoi j'y pensais quand on parlait de Madarame ? Parce que du coup, à chaque fois qu'on avait une nouvelle victime de nos actes, en fait, elle nous la présente, tu vois. Elle nous dit, bon alors, maintenant que t'as fini Kamoshida, la prochaine victime, c'était Madarame, comment ça se fait que t'es allé taper Madarame ? Et du coup, c'est comme ça que ça fait la transition, et du coup, je trouve que cette narration de Sae, ça rend le jeu beaucoup, beaucoup plus fou. Parce que du coup, tu découvres un petit peu tous les aspects de pourquoi le casino, etc. Bah, du coup, au fur et à mesure du jeu, en comprenant c'est quoi un palais, c'est quoi exactement les Phantom Thief, c'était qui toutes les ombres qui parlaient au début, etc. Donc, c'est quoi le mode opératoire, etc. Et du coup, à chaque fois, le fait de présenter... parce qu'en fait, on se met un peu à la place de Sae, tu sais. C'est-à-dire qu'elle nous dit le prochain c'était un artiste qui avait fait un plan d'arnaque totalement parfait que personne pouvait deviner. Comment vous avez deviné ça? Et nous aussi on se dit bah oui, comment ils ont deviné ça? Comment ils sont arrivés à attaquer à lui? Et vu que Joker raconte tout, bah du coup nous on suit la narration à travers Joker et Sae. Vu que Joker est une grosse balance. Parce que Joker est une énorme balance. Ouais, surtout qu'il a pas le choix, putain, les gars. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ça en découvre, plus nous aussi, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais c'est jamais ces moments où on repart dans le futur, d'une certaine manière, c'est jamais des moments qui vous déconnectent complètement de ce que vous allez faire dans le jeu juste après, quoi. C'est souvent annonciateur d'un gros événement, en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors, quand tu découvres un nouveau confident, et ça je trouve ça très cool. Oui. Que, du coup, à chaque nouveau... Alors il y a des confidences, notamment il y a des confidences, ça serait un peu problématique, genre Justine et Caroline, ça le fait pas, tu vois. Oui, bon... Parce que dis-moi, tu parlais avec des lolis qui t'enfermaient dans une prison. Oui. Ok, est-ce qu'on peut revenir à comment t'as fait par des gens, s'il te plaît? Mais non, du coup, ouais, à chaque confident, et il y a toujours une explication, tu vois, genre typiquement Yoshida, c'est un politicien, donc il dit pour ton rôle de voleur de Phantom Thief, t'as dû savoir arguer les foules, comment t'as fait, il y a forcément quelqu'un qui t'a aidé, ou alors il te fallait de la stratégie, et du coup pour la joueuse de Shogi, pareil. Joueuse forcément... de Shogi complètement fumée d'ailleurs. Fumée niveau compétence. Ses compétences sont complètement fumées, ouais. Ils sont craqués. Honnêtement, c'est presque obligatoire pour finir le jeu. Non, pas obligatoire. Enfin, c'est... Moi, je trouve que je pense que je pourrais pas relancer une game de Persona 5 maintenant sans le faire. En fait, je pense que c'est un peu... c'est le mode... C'est pas le mode facile, c'est le mode agréable, tu vois. Parce que du coup, plein de nouvelles mécaniques qui étaient pas là avant... Et du coup, qui t'aimerais bien voir dans Persona 3 et dans Persona 4, tu vois. Les trucs de pouvoir changer de personnage au milieu d'un combat, pouvoir fuir quand tu veux, etc. Vraiment des trucs qui fluidifient le jeu, et moi, c'est vraiment des trucs que j'apprécie beaucoup. Mais du coup, en tout cas, la narration de Sae, qui à chaque fois revient dans le futur et te dit « Oui, alors, telle confidente, c'était pour ça, ça et ça », bah c'est cool, parce que toi aussi, tu te dis « Ah bah oui, effectivement, c'est logique que Joker, il tisse des relations avec cette personne, parce qu'elle peut vraiment lui apporter quelque chose dans son rôle de Phantom Thief, quoi. Mm-hmm. » Et du coup, ouais, moi, j'ai trouvé ça super, super astucieux, mais vraiment, le jeu est très astucieux, niveau narration. Désolé, du coup. Je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Madarame. Non, moi, je voulais parler du Memento, peut-être. Moi j'avais une super transition avec Sae pour parler du troisième palais et de la petite sœur. Et de la petite sœur. Ton personnage préféré, Jem. Bien sûr. Qui apparemment un personnage. Parce que moi je me suis un peu intéressé à. Qui ne devait pas être là. De tous les personnages. Qui est vraiment un personnage assez apprécié dans le sens où beaucoup considèrent que son évolution est très intéressante au sein du jeu. Parce qu'au départ, elle est dans l'ombre de sa sœur, puis au final, elle va s'affirmer pour devenir une femme. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est peut-être celle qui passe le plus... comment dire ? Je vais pas dire le plus facilement à l'âge adulte, mais il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre le début de notre rencontre, enfin de sa rencontre avec... Encore plus quand on voit avec Strikers. Et à la fin du jeu, même lors de sa relation avec Joker, notamment. Quoi. Donc c'est un personnage qui est visiblement assez intéressant. Et tellement intéressant qu'il ne devait pas être là à la base. Ah ouais ? Ouais, Makoto, on peut lâcher les blases maintenant, Makoto Nijima, la sœur de Sae, elle devait pas être présente à la base. À la base, c'était justement la joueuse de Shogi, Ifumi Togo, qui devait la remplacer. Sauf que ils ont... Je sais pas quand dans le processus créatif, ils se sont dit qu'ils allaient remplacer Ifumi par un autre personnage qui était Makoto. Je sais pas comment, on sait pas trop pourquoi. Il me semble que... alors, je peux dire des bêtises, mais il me semble que c'est parce que Ifumi était trop déconnecté de la vie lycéenne. C'est possible, oui. Tandis que Makoto, du coup, est présent. Bah, elle est dedans. Bah, elle est à Shujin, donc... Et surtout, plus proche de Sae, du coup, ça se... Au niveau de la symbolique, quoi. C'est ça, c'est beaucoup plus... Mais... Du coup, ça se sent, je trouve, que c'est un perso qui a été un peu une pièce rapportée parce que finalement, le troisième palais a assez peu de liens. C'est-à-dire que Makoto, elle connaît, on peut lâcher les blases, comme tu as dit, donc Kaneshiro, elle le connaît à peine. Genre vraiment, elle sait vite fait que les gens du lycée Shujin, du coup, ont été arnaqués. Le problème, c'est qu'en fait, ils se sont fait... Non, c'est pas ils se sont fait arnaquer. C'est en fait les lycéens de Shujin se font recruter pour dealer des choses pas très légales. Oui, mais ils sont arnaqués parce que du coup, c'est au début, on leur demande de livrer un truc, ils acceptent et au final. Makoto, justement, est chargée d'enquêter sur ça. Elle enquête en plus sur les Phantom Thieves, mais elle est chargée aussi d'enquêter sur ça. En tant que présidente du conseil. Un palais si déconnecté que ça. Peut-être que le thème de la banque l'est plus, mais je trouve que c'est pas spécialement si déconnecté que ça. Dans le sens où elle mène une enquête et que cette enquête la mène à rencontrer la personne qu'elle aurait dû rencontrer. Parce qu'elle va rencontrer la personne qu'elle est amenée à rencontrer. Je dis pas que ça tombe, mais le problème c'est que c'est la seule Phantom Thief qui n'est une victime de personne en fait. Parce que... Jusqu'à la rencontre avec Kaneshiro en fait. Ah même. Kaneshiro n'est pas si victime que ça. Et justement, j'en parlais avec d'autres personnes, je trouve qu'il manque un peu de mise en danger de Makoto lors de ce troisième palais. C'est clair. Je pense que c'est... Pas de soucis. Je pense que c'est surtout... c'est pas tant dit dans le jeu que ça, mais en soi... Quand il réfléchit, le fait que... Parce que, en gros, les Phantom Thieves partent à la rescousse de Makoto, dans la vraie vie véritable, puisqu'elle s'est fait emmener vers le patron. Et malheureusement, ils se font tous prendre en photo, et elle est ligotée par terre, hein, donc bon, voilà. Même pas, hein, je crois pas. Si, elle est ligotée par terre. Mais après, elle est relâchée. Du coup Kaneshiro prend une photo avec littéralement alcool, drogue, enfin tout le tintouin pas très légal. Tout le tintouin pas très légal pour des étudiants de 17 ans. Et elle est dessus et en fait du coup en tant que présidente du conseil des élèves, en fait ça pourrait totalement ternir son image. Et elle qui vise les hautes universités, enfin la pression des hautes universités sur notamment de sa sœur et sur elle, ça pourrait juste la détruire en fait. Ça tient effectivement, mais je trouve que je sais pas, moi je pense qu'on mais aurait après, dû c'est la... plus qu'il n'y a pas de menace physique. Ouais, on aurait dû la déverrouiller un petit peu plus tard dans le palais. C'est je sais, pour moi il m'a manqué. Enfin, je veux pas qu'on lui coupe un pied ou autre, hein, mais il m'a manqué peut-être le fait que par rapport à un mec qui est quand même de, qui est un yakuza, hein, c'est un mec de la mafia. Bah, c'est patron, patron de la plus grosse mafia de Shibuya, selon le jeu. Le fait que le mec il dise bon, ok, je vous relâche. 3 millions ouais, en deux semaines. Je sais pas, c'est. Il y a un petit décalage, je trouve. C'est. Peut-être le. Bizarrement, c'est peut-être le l'ennemi qui m'a le moins intéressé. Et je trouve que son chara-design ne fait pas assez méchant. Alors, c'est peut-être méchant pour lui, mais je trouve que quand je l'ai vu, j'ai fait. Attends, c'est le mec de la mafia, ça. C'est vrai qu'il fait. Mais il fait pas méchant de mafia traditionnelle. Je sais pas. C'est... Je pense que c'est surtout. C'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait, il est très ridiculisé. En fait, on te fait comprendre que c'est un peu un gosse, même, bah du coup vous connaissez son boss, mais du coup son boss est aussi extrêmement ridicule. Du coup, bah on l'affronte pas lui, on affronte ses sbires et un cochon géant quoi, enfin. Et puis même, je veux dire, son ombre, Kamoshida c'était un énorme monstre, Madarame c'était un énorme tableau, lui c'est une mouche. Donc vraiment le méchant est un peu construit comme étant un comic relief, donc forcément ça dessert un petit peu son charisme en tant que méchant. Et pour le coup, du côté de Makoto, je pense que ça aurait été peut-être mieux de la débloquer, alors sans dire ce que c'est, de la débloquer, du coup, c'est le combientième ? Cinquième palais ? L'avant-avant-dernier ? Ouais, l'avant-avant-dernier. Non, tu peux pas. Bonjour, il est actuellement 23h57 au moment où j'enregistre ce message. Sachez que j'ai coupé une partie parce qu'on spoilait comme des bâtards. Et pour votre bien, j'ai préféré la couper, comme ça on vous spoile pas. Des bisous. Oui, mais ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu faire ça avec la joueuse de Shogi, tu vois. Clairement, la joueuse de Shogi aurait été infiniment mieux. Quitte à garder, je pense que c'est important de garder Makoto, mais comme j'ai dit, sans dire ce que c'est le cinquième palais, j'aurais préféré, parce que pour moi, ça a plus de sens qu'elle arrive au cinquième palais. Pour le coup, que son retournement se fasse à ce moment, qu'elle passe du côté du sentier à ce moment. Mais pourquoi le cinquième, enfin, je... Bah, peut-être que tu m'expliqueras après, mais je sais pas forcément cinquième. Pourquoi le cinquième? Le cinquième palais, tu sais, c'est celui qu'on n'aime pas. Ah oui, donc c'est pas le cinquième du coup. C'est pas le cinquième, c'est le sixième. Celui d'après du coup. Attends. Ah bon? Oui, bah, parce que c'est celui de mouton. Désolé, sixième. Oui. Non, pas grave, Jem, t'inquiète. Autant pour moi. Sixième palais, excusez-moi. C'est vrai que ça aurait été plus logique. C'est vrai que là, c'est effectivement, ça aurait été plus logique. Oui, sinon ma phrase n'a absolument aucun sens. Désolé. Du coup, oui, ça aurait été plus intéressant au sixième palais. Et c'est mon problème, c'est qu'en fait, elle fait un peu, je sais pas si vous connaissez ce terme, Marisu, du coup, Makoto. Donc ça veut dire qu'elle est un peu, genre, elle réussit dans tout, elle est bonne en tout, etc. Ouais. Parce que vraiment, genre... elle est trop forte et indépendante, elle a une moto. Non, puis même en tant que juste pur gameplay, elle est complètement fumée. C'est l'un des persos qui fait le plus mal en dégâts purs. Elle peut soigner, elle a une énorme défense. Voilà. Et même ce que je veux dire, c'est que genre, pareil, c'est la stratège du groupe, c'est la seule qui est un peu intelligente. C'est la plus âgée. C'est la plus âgée. Enfin, à ce stade du jeu, c'est la plus âgée. À ce stade du jeu, c'est la plus âgée, parce que sinon, elle est ex aequo avec quelqu'un d'autre. Son pseudo, c'est Queen. Vraiment, je trouve qu'ils ont insisté sur le fait que, regardez, c'est vraiment... Elle est bien. Est-ce qu'ils n'ont pas insisté, non pas parce que c'est ce qu'elle est dans le jeu, mais plutôt ce qu'elle veut être? Parce que tu parles d'indépendance, mais elle n'est pas indépendante hein, dans le jeu. Enfin, au moment où tu la croises, elle n'est pas indépendante. Hein. Justement, le fait qu'elle ne soit pas spécialement mise en danger... Sœur la considère comme un déchet, enfin pas un déchet, mais quelqu'un qui elle dit, elle dit, tu ne me causes que des problèmes, on n'a plus d'argent à cause de toi. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, je pense que le fait qu'elle ne soit pas mise en danger pendant le troisième palais, justement, ça participe à ce côté tout lui réussit tout le temps. Quelle chance! Et voilà, c'est un peu. Je trouve que vraiment. Alors, oui, effectivement, il y a comment sa sœur la traite qui un peu compense ça, mais je trouve que c'est pas assez, tu vois. J'aurais aimé que le perso soit beaucoup plus. Parce que clairement, les autres persos, je veux dire, ils sont. Quand tu les découvres, je veux dire, ils sont. Ah, ils ont pris cher. Ryuji un peu moins, Mais quoique Ryuji, si, il manque de se faire tuer hein, au début, quasiment. Oui. Si Joker était pas là, il allait mourir. Et pareil, Anne, je veux dire, elle est littéralement capturée par l'ombre de Kamoshida et elle manque, pareil, de se faire. Bon, c'est pas trop quoi. Bah, elle manque de se faire, ouais. Et pour le coup, bah, Koto, bah, elle, tout lui réussit, tout va bien. Et quand elle se rebelle, je sens pas qu'elle a envie de se rebeller en fait. Ce qui est bizarre parce que du coup il y a un autre perso qui viendra plus tard, beaucoup plus tard, et du coup qui pour le coup elle se rebelle deux fois parce que la première fois elle s'était pas vraiment rebellée. Ah oui, oui je vois, oui. Et j'aurais aimé que Makoto ça soit pareil, qu'on dise qu'elle se ré-rebelle au sixième palais, tu vois. Qu'elle se dise, ah mais non, mais en fait ma vraie raison de me battre, c'est ça en fait. Et là, je trouve que non, pour le coup, le perso... Après, je suis d'accord que le perso, au début, je l'aimais pas, après, j'ai appris à l'aimer, parce que quand même, je trouve qu'elle a quand même des aspects qui sont assez bien écrits. Mais au début, je trouve que c'est un peu laborieux. Voilà, oui, puis elle devient... Au départ, elle est très hautaine avec toi, elle est très... comment... Elle est très... Bah, elle est vraiment... C'est un personnage que tu as envie d'apprécier, puis au fur et à mesure du jeu, tu finis par le découvrir, etc. Et je trouve que son évolution est très intéressante à Makoto dans ce jeu. C'est, moi, pour moi, le point de départ aurait pu être un petit peu plus travaillé, je trouve, avec Kaneshiro. Et puis Kaneshiro pourrait pu être un meilleur méchant. Et parlons du donjon. Ouais, c'est très vrai. Cool. Très cool. Avec la meilleure musique de palais. Moi, je dirais pas ça, mais... Non, quoi que, parce qu'il y a... Oui, il y a GM et Oka, oui. Et Oka, TWOF. Quoi ? TWOF, alors là, ça balance des sigles, c'est compliqué. Celle du sixième. Ah, oui. Ah oui, oui, ok, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Mais oui, effectivement, Price, parce que du coup, on peut lui donner le nom de l'OST. Le nom de l'OST, pour le coup, est pas très signifiant, du coup, ça, c'est un peu triste. Ça va. Contrairement à celle du prochain palais, qui est beaucoup trop signifiant. Faites attention, parce que les OST de Persona, si vous en écoutez... Ouais, elle peut spoil. Les OST de Persona... Celle dans Smash, ça va. Les noms des OST sont parfois très équivoques. Bah, notamment celle du quatrième palais, dont on va bientôt parler, parce que là, je vois, ça fait 1h30 qu'on parle. C'est ça. 1h30. Bah, je pense qu'on fera 2h et on fera peut-être 2h après. Ah ouais, on fera 2h et 2h pour la prochaine fois. Ok. Dernier palais donc. On parle du quatrième palais, ouais, effectivement. Non, moi j'ai juste un tout petit truc à dire sur le palais de Kaneshiro. Je trouve le début un petit peu long. Parce que au début, en fait, vous êtes juste dans l'entrée de la banque. Parce que le palais est une banque flottante. Bref, je vous épargne tout ce qui se passe avant. Une fois que vous arrivez dans la banque, en fait, on vous dit vraiment baladez-vous, il n'y a pas vraiment de choses à chercher, contrairement aux deux palais d'avant où c'était plutôt linéaire. Mais moi, je trouve ça bien, justement. Ouais, justement. C'est cool qu'au début, ça soit moins linéaire et beaucoup plus... pas vraiment un open world non plus, enfin, voilà. Mais entre guillemets, il y a des conduits, vous pouvez chercher, il y a des salles fermées, mais que vous pouvez ouvrir avec une carte magnétique. Et à partir de la deuxième partie, donc là où vous commencez à descendre dans les profondeurs avec tout le système de sécurité des caméras, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est le niveau de sécurité des palais. Bon, c'est très, très secondaire, donc voilà. Surtout dans Royal, c'est encore plus secondaire. Dans Persona 5, c'est juste quand vous atteignez 99%, vous êtes viré, mais... Là, c'est juste les mobs sont un peu plus. Globalement, quand les ennemis vous repèrent, les mobs deviennent plus puissants, ils repopent plus vite, etc. Après, faut vraiment y aller pour aller se faire éjecter d'un donjon. Parce que. Je l'ai fait une fois et vraiment j'étais en pilote automatique. À chaque fois que vous faites repérer, je crois. Alors, je sais plus dans le jeu de base, donc dans Persona 5, si c'est 5% ou 10%, parce que c'est une jauge en pourcentage et au bout de 100%, vous êtes évacué. Donc ça augmente de 5 ou de 10% à chaque fois que vous êtes vu, et lorsque vous faites un combat que vous gagnez, cette jauge diminue. Donc et faut aussi, vraiment aussi pour... avec un certain confident quand on rentre dans les safe zones. Nechiku, je suis pas d'accord. C'est si jamais tu fais un combat en embuscade, Oui, quand tu fais un combat en embuscade. Ça baisse. Ah, il semblait que c'était tous les combats. Non, alors, c'est embuscade. C'est tous les combats si jamais tu as augmenté un certain confident qui, du coup, te donne le même confident qui pour les safe rooms, qui te donne, du coup, la compétence. Quand tu gagnes un combat, ça baisse d'un certain nombre. Alors, faut pas que le combat, ça soit le désavantage. Faut pas que tu sois désavantagé dans le combat, mais si tu gagnes le coup. Ah, mais ça, je croyais que c'était pour tous les... C'est sympa, la sécurité des palais. Bon, c'est assez secondaire, surtout... Je trouve que, du coup, dans Royal, Alors, j'ai pas joué à Persona 5 Original, mais je trouve que dans Royal, vraiment, au bout d'un moment, tu t'en fous un peu. T'es un peu, genre, tu traces, tu te fais repérer. Mais même dans Persona 5. Hein, même dans Persona 5, tu t'en tamponnes. J'ai parfois été à 30 ou 40%. Moi, je sais que c'est arrivé des fois où vraiment je me baladais dans le palais alors que c'était à 100%, tu vois. Donc, c'est vraiment littéralement, t'avais des alarmes de partout, t'avais les policiers tout autour. Mais je trouve parce que quand on arrive dans la deuxième, enfin dans la, pas vraiment la deuxième partie, plus la troisième de ce palais, où vraiment c'est avec les mots codes et le loquet géant. Le loquet, c'est la troisième, mais ouais. Les mots de passe, c'est plutôt la deuxième. Parce qu'il y en a aussi dans la troisième, non, avec les mots de passe. Mais je trouve l'idée assez intéressante. Mais c'est clairement chiant quand tu le fais le jeu la deuxième fois. Non. Moi je trouve ça très chiant, parce que là je sais que j'y suis dans mon New Game Plus, enfin j'y suis bientôt. Je sais que c'est une partie que j'aime pas trop refaire. Je trouve que c'est juste long pour rien, parce que les mots je les connais en fait. Oui, mais... Sauf que t'es obligé d'avoir les bouts de papier pour que, entre guillemets, ça trigger l'événement. Ouais, alors salut, c'est encore moi. Cette fois-ci, il est minuit 15. Et en fait, je viens de regarder. Et si on peut cheeser totalement, c'est juste moi qui suis con. Au revoir. Bon, c'est vrai que dans le canon, le fait. Putain, le Joker. Joker, il est trop fort. Il arrive à deviner les mots comme ça, là. Paf. C'est ça, mais du coup. Mais non, moi, honnêtement, ce palais, je l'ai trouvé hyper, hyper cool. Si vous voulez, on peut passer sur le suivant. J'ai pas trop de trucs à dire. C'est mon palais préféré. Non, mon deuxième. Il y a le dernier qui est très très bien. Mais... Moi, je crois que le palais de Kaneshiro, c'est mon troisième palais préféré. Je crois que Madarame, ça doit être le... Il est au milieu, je crois. Moi, c'est un des palais dont je me souviens le moins. Donc, je dirais que c'est un des palais qui m'a le moins marqué. Prochain palais, je pense que vous êtes tous d'accord. Le palais de Futaba, qui est un des gros tournants du... Enfin, c'est un peu la entre guillemets la fin de l'exposition de ce que sont les palais et de ce qu'on peut en faire. C'est ça. On rentre beaucoup plus dans le lard de l'histoire entre guillemets. Et pour moi, crée des incohérences, mais. À partir de maintenant, les Phantom Thieves sont un peu plus menacés. C'est surtout le fait que je me dis, si jamais c'est vraiment elle qui contrôle... En fait, je trouve ça un peu... Je trouve que ce palais est un peu un acte manqué, dans le sens que le fait qu'elle ait des crises de panique, j'aurais aimé du coup que le palais... Il évolue. Genre... Ouais, c'est ça, à intervalles réguliers, genre il change et il se remanie tout d'un coup. Je pense que ça aurait été possible, mais ça aurait peut-être causé des bugs. Je sais non, pas. Non, pas des phases genre toutes les 5 minutes, tu vois. Genre des phases tu rentres dans une pièce, tu vois. Ça passe sur Futaba qui se met à paniquer. Et là, tout d'un coup, tu vois que la pièce elle se remanie et tout. Tu vois que ça soit scripté, tu vois. Mais et pour le coup, on ressent beaucoup plus dans le palais le fait que effectivement Futaba elle est un peu. Elle est un peu lunatique parce que d'un côté elle veut qu'on l'aide et de l'autre côté bah elle veut pas qu'on l'aide. Alors un truc justement, je vais rebondir sur ça. Alors je sais pas si c'est présent dans Persona 5 Royal comme les donjons changent, mais dans le premier palais, lorsque tu rentrais dans la dernière partie du palais, tu voyais que le palais était en train un petit peu de bugger, de se détruire et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que ça n'est jamais réapparu, et c'est jamais réapparu. Et je n'ai pas trop compris pourquoi, donc je pense que ça aurait été largement faisable de faire une idée comme ça. Ça aurait été intéressant. Mais en soi, le palais, moi, je le trouve vraiment très cool. C'est un de mes palais préférés. Moi aussi. Déjà, le setting est très cool. La première partie du palais est très cool. Se balader dans la ville, bon, il y en a certains qui trouvent pas ça ouf, mais je sais pas, moi, j'aime bien, ça change. Je trouve que c'est un peu aux Aves sur 20. Ouais, c'est aux Aves sur 20, mais j'aime bien l'aimer. Et après, il y a la descente dans le tombeau pour la remonter ensuite. Vers la pyramide, comme si Futaba remontait d'une certaine manière. La pente. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce palais, une fois qu'on a envoyé la carte de visite, il y a une toute nouvelle zone derrière à explorer, bon, qui est minuscule, hein, qui dure 2 minutes, même pas. Mais qui est un peu. Qui est plus ouvert, on n'est pas enfermé entre quatre murs, c'est des plateformes qui volent. Et on ressent. Ce qui est amusant, c'est que Futaba, entre guillemets, ce sera la hackeuse du groupe et la support. Et y a un mélange d'anciens avec la pyramide et le fait que ça soit vraiment l'Egypte. Et la technologie avec. Il y a des QR codes. D'ailleurs, les gens se sont fait chier sur internet à essayer de savoir sur quel site ça redirigeait. Et à une époque, ça redirigeait vers un formulaire de recrutement pour Atlus. Enfin, pour chez Atlus. Je crois qu'il y a 11 QR codes au total. Mais je trouve que dans vraiment la partie où on... Après avoir envoyé la carte de visite, c'est le niveau de sécurité, il est blindé parce qu'il y a plein de mobs. Et c'est beaucoup plus ouvert et je trouve ça un peu plus agréable et je trouve ça dommage que ça ait pas duré plus longtemps. C'est vrai. Je sais pas, il y a le boss juste après. C'est le boss qui est spécial d'ailleurs parce que... Ouais. Parce que c'est pas, on affronte pas l'ombre de Futaba, on affronte une image déformée de la mère de Futaba, parce que l'histoire de Futaba est pas très très drôle. C'est ça. Et on découvre au fur et à mesure du palais, c'est ça que je trouve très cool, via les fresques. Ouais, les fresques. C'est-à-dire qu'on sait pas à l'entrée du palais exactement ce qui s'est passé avec Futaba, et au lieu que ça soit Futaba qui nous le dise directement comme... Bah typiquement, Madarame, il nous dit « Ah bah oui, j'ai laissé ta mère mourir, gna gna gna. » Là, c'est vraiment... Madarame. Très belle imitation. Bah, en plus, il a une voix un peu comme ça. Mais du coup, justement, t'as des fresques, en fait, à chaque niveau. Parce que, du coup, la pyramide, tu montes de plus en plus, du coup, c'est différents étages. Et du coup, à chaque étage, t'as une petite fresque qui t'explique qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi elle s'en veut, du coup. Et je trouve que c'est super bien rendu. Et du coup, le fait qu'à la fin, Futaba se rebelle, etc. Et du coup, intervienne dans son propre palais, ce qui est pour moi... Qui cause des problèmes, mais bon. Parce que tu te dis, mais si ça représente sa psyché, elle a juste à penser au fait que... Que le boss ça devient un pot de fleurs et le boss ça devient un pot de fleurs, tu vois, c'est représentatif de sa psyché. Ouais, mais après je pense pas que genre ça soit aussi simple que ça. Je pense pas que ce soit vraiment comme un peu comme les rêves lucides où tu peux faire ce que tu veux. Je pense que c'est genre dans l'univers de Persona, c'est plus compliqué que ça de modifier sa psyché, tu vois. Bah en fait au niveau de l'évolution du perso, effectivement le fait qu'elle batte l'ombre de sa mère, c'est hyper important. Surtout quand on sait ce qui se passe dans le post-game de Royal sans aller plus loin. Oh merde, oui. Oh merde, oui. C'est hyper, hyper intéressant. Mais je trouve que au niveau de la cohérence de comment le métavers fonctionne, pas très cohérent, quoi. C'est... Surtout quand on sait en plus en mode... en fait, son trésor, c'était elle. Fallait qu'elle se sauve elle-même. Enfin, c'était... C'est un peu compliqué, parce que en soi, en fait, le truc, c'est que son palais n'a pas de trésor. Si, du coup, le trésor, c'est... Ouais, mais je veux dire, il n'a pas de trésor dans le palais. Alors que normalement, il en faut un. C'est vrai que ça casse un peu la logique du jeu, mais... Après, bon... Après, il était nécessaire, je pense, honnêtement. Pour moi, je trouve qu'il marque un tournant dans le jeu, en fait, où vraiment, là, c'est... On a fini l'exposition, entre guillemets. Bon, même si... Puis en plus, il y a toutes les... Dans le palais de Kaneshiro, on nous parle du fameux Black Mask. Ah oui, c'est vrai qu'il je tease un peu, mais je tease un peu, mais voilà. Et rendez-vous au prochain épisode. Et ce qui rendez-vous au prochain épisode. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait, on nous dit, le Black Mask. Et puis là, pouf. Alors, on nous dit pas du tout qui c'est. Et vous l'oubliez. Dans le palais de Futaba, on n'en parle pas. Bah même, même dans celui de Kaneshiro. Ah si, il en parle à la toute fin. Si, il en parle à la toute fin. Un petit peu. Il se balade dans les palais qu'il utilise pour leur interaction. Mais on parle du palais de Futaba, mais faut quand même parler de Futaba en elle-même et de ce qu'elle a vécu. Parce que c'est un point central du palais. Bah en gros pour résumer de manière très très rapide, la mère de Futaba faisait des études sur la psyché et la science cognitive, si je dis pas de conneries. La science, absolument. Et un jour, je ne sais plus les raisons, mais je sais même plus s'il y avait des raisons, elle a décidé de se suicider. Et tout ça sous les yeux de sa fille. Je raconte très très mal. Oui, je raconte ultra mal, je sais. Alors, si on peut spoiler jusqu'à la fin du palais, c'est pas du tout ça qui se passe. Oui, mais justement, voilà, en gros, c'est ce que Futaba nous raconte dans son palais, mais en réalité, c'est pas du tout ça qui s'est passé. En réalité, du coup, on peut spoiler la fin du quatrième palais ou pas du coup ? Oui, on peut. Oui, d'accord. Bah du coup, en fait, on apprend à la fin du quatrième palais que, en fait, pas du tout. En fait, c'est les gens, c'est des gens, alors on les appelle les gens en costume, je crois. C'est comme ça qu'ils s'appellent Futaba. Les gens en costume, oui. Ils l'ont persuadé, du coup, que sa mère avait fait... Je sais plus, c'était un syndrome de dépression, dépression maternelle, ou je sais plus exactement comment ils expliquent ça. J'en ai aucune foutre idée. Et du coup, ils expliquent qu'en gros, sa mère, c'est le fait que Futaba dérangeait trop sa mère dans son travail, etc. Et du coup, elle a pété un câble et du coup, elle s'est suicidée. Du coup, Futaba, forcément, quand tu dis ça à un gosse, forcément, Futaba, elle est en mode « Putain, c'est de ma faute si ma mère est morte, c'est horrible. » Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, ce qu'on comprend et ce qu'il nous explique à la fin du palais, c'est qu'en fait, elle a fait une rupture psychique et que du coup, c'est ces fameux gens en costume qui lui ont fait faire cette rupture psychique et du coup, qui ont fait qu'elle était morte. Et du coup, c'est à ce moment-là où ça tu te dis... Ça me fait penser à Arya dans Professeur Layton dans Phoenix Wright. Je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, effectivement, oui. Ça me fait penser à ça. Et du coup, c'est vraiment le moment où le scénario raccroche les wagons, parce que du coup, on parlait des ruptures psychiques au tout début du jeu. Avec l'incident du... C'est un métro, c'est un train, je sais plus. C'est un métro, je crois. C'est un métro qui s'est... Le conducteur du métro a subi une rupture psychique et a complètement fait dérailler le métro en limite tuant... Je crois qu'il y a eu 20 victimes, si je dis pas de bêtises. En allant à pleine vitesse alors qu'il est censé s'arrêter. Et du coup, on nous introduit un peu plus que c'est qu'une rupture psychique. Et c'est justement ça qui va permettre, sans trop spoiler, d'affecter les Phantom Team en fait. De descendre leur popularité. De dire en gros c'est de leur faute. Voilà. S'il y a des ruptures psychiques, parce que... Mais ce qui est un truc que j'ai trouvé un peu bullshit, c'est parce que... Je sais pas, moi, pour moi, si j'étais à la place des persos d'un perso lambda dans l'univers de Persona 5, je me dis, t'as des gens qui, tout d'un coup, changent de personnalité et font n'importe quoi. Donc ça, c'est rupture psychique. Et d'un autre côté, t'as des gens qui volent le cœur des gens et qui font changer leur personnalité. Du coup, si t'as deux neurones d'actifs, tu dis « Ah ouais, il y a peut-être un lien entre les deux. » Donc je comprends pas qu'ils le fassent pas avant, ce lien. C'est ouais, simple. Mais peut-être parce que... Aussi, au début du jeu, c'est pas autant médiatisé que ça. On dit « Ça existe. » Mais je pense pas que les gens soient en mode « Ah !» Puis aussi, au début, les Phantom Thieves, il faut bien se dire que les gens ne... Parce que tout au long du jeu, pendant les écrans de chargement, en fait, il y aura une petite jauge en bas, la jauge de popularité. Au début, c'est « Est-ce que vous pensez que les Phantom Thieves existent ?» Oui, non. Après c'est est-ce que les Phantom Thieves sont justes, je crois. Après Keshi. Oui, c'est vrai qu'il y a lui, on aurait pu en parler. On en parlera après, je pense. On en parlera après pour faire un gros bloc. C'est un personnage plus important dans le... Je sais pas si on va même pas attendre la dernière zone spoiler pour en parler. L'aborder avant. Peut-être l'aborder avant, parce que sinon ça va être blasphématoire si on n'en parle pas avant. Ouais. Voilà, bon, en gros, ça va servir pour descendre les Phantom Thieves au niveau de leur popularité et faire en sorte que les gens ne croient plus en nous. Parce que je vais parler vite fait du Mementos, parce que là il nous reste 15 minutes, donc on peut parler pendant les 15 dernières minutes du Mementos. Parce qu'on en a pas parlé. On aura 15 minutes à faire sous Mementos. Y a quand même des trucs à dire. Ouais. En gros, le Mementos, on le découvre à partir de la fin du premier palais, je dis pas de bêtises. Juste après la fin du premier palais, on nous présente le Mementos. C'est exactement comme un palais, mais exactement pas comme un palais. C'est-à-dire qu'en gros, ça fonctionne vraiment comme un roguelike, c'est généré procéduralement. Et c'est défini comme le palais de tout le monde. La psyché de tout le monde. C'est le... J'ai plus le mot pour définir, et ça m'énerve. L'inconscient collectif ? Je crois que c'est ça, c'est défini comme l'inconscient collectif. La conscience collective. Et en fait, vous allez descendre d'étage en étage, comme dans un roguelike, comme dans Isaac. Vous allez ramasser des tampons. Putain, merde, non. Non, pas les tampons. C'est dans Royal uniquement, on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant. Vous allez descendre de plus en plus profondément jusqu'à atteindre des portes qui sont fermées, jusqu'à ce que vous terminiez un palais et que votre cote de popularité augmente. Et vu que les gens vous considèrent plus, les portes s'ouvrent et vous pouvez descendre encore plus bas et vous répétez le processus. C'est une zone qui est notamment utile pour farmer l'XP. Ou pour farmer les personas quand vous voulez faire le 100% du compendium. Effectivement. Et il y a plein d'objets cool dedans. Il y a plein d'objets cool et du coup, moi globalement j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le Memento. C'est la zone la plus. Est-ce que c'est la plus marquante? Non. J'ai beaucoup de choses à dire sur le Memento. Première chose, on a parlé tout à l'heure de donjons qui sont un peu à la Zelda dans le sens où vous avez un chemin, un début, une fin. Là, c'est pas le cas, c'est du donjon semi-aléatoire, c'est-à-dire que à chaque fois que vous rentrez dans une zone, vous avez le setting en gros de la zone qui est le métro, mais vous savez pas spécialement où vous allez aller. Le chemin est cryptique, comme dans un roguelike. Hein. Tu parlais d'Isaac tout à l'heure, c'est exactement ça. Et il faut savoir que dans le Mementos, vous allez pouvoir prendre des quêtes, et peut-être qu'on peut parler de Mishima. On peut totalement. Qui donc peut vous confier des quêtes qui, en gros, c'est vous faites la même chose que ce que vous faites dans les palais, mais à moindre mesure, avec des personnes avec une moins importante identité. Mais l'objectif, c'est de faire changer leur psyché, quoi. Et donc, c'est dans le Mementos que vous allez affronter ces gens et que vous allez devoir faire changer leur psyché à ce niveau-là pour. Je sais plus quoi, enfin ça dépend des. Pour des objets, pour des clés de fusion, ça s'appelle des clés de fusion, ça permet de créer des nouvelles personas, deux ou trois dans tout le jeu. Voilà, ça se rapproche beaucoup des anciens personas, puisque dans Persona 3, je sais pas si on peut donner le nom juste comme ça. Tartarus. Ouais, le tartare. Et dans Persona 4, les donjons fonctionnent exactement comme ça. Mais pour le coup, je trouve ça quand même un peu plus agréable dans Persona 5, parce que on va plus vite grâce à Morgana qui se transforme en voiture. Y a une blague d'ailleurs un peu marrante sur le fait que dans l'imaginaire collectif des gens, les chats qui se transforment en voiture, c'est plutôt logique, en référence au Ghibli... Je crois que c'est Totoro où il y a le chat bus. Le chat dans mon voisin Totoro. Oui, le chat bus dans mon voisin Totoro. Et d'ailleurs, qui servira aussi à la fin du palais de Futaba, et même pendant le palais de Futaba, Morgana voiture pour fuir ou aller vers le palais. Pour aller dans la ville, hein, tout simplement. Oui, pour aller dans la ville aussi. Et moi, je retiens plus la scène de la fuite à la fin du palais. Mmh. Ou même, même au début. Tu la retiens pour quoi, JJ? Scène de la fuite. Tu la retiens pour la fuite ou pour autre chose? Non, la fuite, c'est pas les cinématiques animées sont. Oui, c'est parce que c'est des cinématiques. Il y a des cinématiques animées dans le jeu. Les cinématiques animées sont magnifiques, mais non, c'est pas celle-là où il mate. C'est pas celle-là, c'est celle quand il rentre dans le palais. Ah, je sais plus. Celle où il fuit, c'est Makoto qui conduit, et je pense que c'est pour ça qu'il devait introduire le personnage de Makoto, parce qu'il fallait quelqu'un qui conduise en fait. Avant c'est Joker, mais bon, comme on le sait, Joker il a pas son permis. C'est un détail dans le pas dans le Mementos, dans le. Après ça va, dans Memento, ça doit pas être trop dur de conduire. Mm. Mais remarque, dans les zones de fin, un peu quand même. Hein. Vu mais comment non, c'est le bordel, sans trop spoiler, vu comment c'est le bordel et que ça devient brosson, un peu quand même. Hein. Ouais, mais c'est plus lui qui conduit. Oui. Donc ça va. Mm. Mais non, le Memento, j'ai trouvé que... Honnêtement, pour jouer à Persona 3, là, actuellement, c'est un peu... c'est un peu... Ça manque de boss, le Memento, quand même. Il y a les quêtes. Il y a les trucs d'inter-étage aussi, enfin, les boss, quand t'arrives à la fin d'une zone, et que des fois t'as des quêtes, c'est un ennemi un peu plus compliqué. Non, mais c'est des quêtes, du coup, c'est oui, pas Oui, c'est vraiment... des quêtes, ouais, c'est pas tout le temps. Est-ce que honnêtement, le jeu avait besoin de boss dans le Memento? Je pense pas, honnêtement. Techniquement, il y en a deux. Ouais, oui. C'est ce que tu veux dire. Je vais pas dire lesquels, mais... C'est ce que tu veux dire. Mais je sais pas si c'était utile, honnêtement. Tu vois le deuxième boss? Je pense savoir qui c'est, mais j'ai peut-être un doute. Tu veux, écris-le-moi. Mais attends, ouais, je veux bien que tu l'écris, parce que je vois pas le deuxième. Ah, oui. Ouais, alors, ce qu'il fait. Ouais. Est-ce ouais. que c'est lui? C'est uniquement dans Royal, je crois. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, du coup, je pensais pas à lui. Mais oui, en soi. Deuxième, alors. On peut peut-être parler peut-être du premier boss du Mementos, en soi. C'est pas trop. Pas trop un énorme spoil non plus. Il y a un Oken. De quoi? Ah, le faucheur? Oui, en soi, oui, le faucheur, on peut. Il apparaît dans tous les personnages, c'est si tu restes trop longtemps à un étage, il vient te casser la bouche. Il vient te casser la gueule. Et après, c'est toi qui lui casses la gueule. C'est vrai. Mais. Du jeu, t'es vraiment très très on fort. On se souvient de Jem et moi qui s'étaient trop préparés. On est des niveaux 90 et moi je lui ai roulé dessus. En fait, mais oui, il est présent dans le Persona 5, le Fusion. Le boss est compliqué si jamais tu le fais niveau 60, quoi. Au niveau où il est, ouais. Parce qu'il possède toutes les attaques les plus fortes du type. Enfin, sans compter les attaques avec un nom spécial. Genre, C'est un peu le fantôme de Spelunky pour ceux qui voient. Oui, je vois. En gros, moi, je vois très bien ce que c'est. Vous avez un fantôme qui apparaît. Et bah, s'il vous touche, vous êtes mort. Bah, après, là, honnêtement, croiser le faucheur au hasard dans le Memento, c'est vraiment compliqué. Parce que faut rester 5 minutes sans faire un seul combat, sans ouvrir aucun coffre. Je pense pas que ce soit vraiment. C'est les conditions de Royal. Par contre. C'est les conditions de Royal, oui. Parce qu'il me semble que dans le 5, c'est un peu plus strict. Après, je sais que t'as des étages où il est là de base. Oui, mais ça c'est uniquement dans Royal. Et j'avoue que quand je suis tombé dessus. Bonjour. Quand t'es tranquille en train de te balader à un étage et là que tu vois le faucheur se balader et que tu te dis ah ouais. Ah, yes. C'est le Nemesis de Resident Evil 2 Remake. J'ai pas trop envie de perdre mes 3 heures de. 3 heures de Mementos là. Mementos, du coup, je vais peut-être t'esquiver, monsieur. Mais il y a ça pareil dans. Enfin, dans Persona 3, c'est plus gentil. C'est genre. En gros, tu tires des cartes à la fin de certains combats, tu tires des cartes où tu peux genre avoir de l'argent, de l'XP en plus, ou une persona, tu vois. Et il y a certaines cartes où il y a une tête de mort dessus, et du coup, quand tu la prends, ça fait l'effet de la carte et ça invoque le faucheur. Ah, c'est comme ça, ok. Oui, c'est comme ça. Dans Persona 4, c'est un peu plus pute. C'est, enfin, dans Golden, le 4, c'est tranquille parce que c'est disponible que à partir du New Game Plus. Mais dans le 4 Golden, c'est possible dès le premier playthrough. Et c'est à partir du 21e coffre ouvert dans le donjon, vous pourrez entendre des chaînes. Et en fait, dès que vous ouvrez le prochain coffre que vous allez ouvrir, le faucheur peut sortir du coffre sans que ça vous prévienne. Parce que quand vous êtes à partir de votre deuxième... play, vous pouvez tomber sur le faucheur dans des coffres, mais ça vous dit attention, il y a un ennemi très très puissant dans ce coffre. Est-ce que vous voulez l'ouvrir? Oui, non. Moi j'ai fait l'erreur de dire oui, je me suis fait déglinguer. Voilà. Ah, mais d'accord, ils te préviennent quand même. Oui, mais quand c'est à partir du 21e coffre ouvert, là ils te préviennent plus. Ah. Ils te disent voulez-vous ouvrir le coffre? Oui, non. Quand tu fais oui, paf, ça l'ouvre. Et paf, combat. Je pense que si c'était juste genre n'importe quel coffre, il a une chance X d'arriver. Je pense que ça aurait fait rager beaucoup de gens. Hein. Oui. Mais je pense que terminé. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la première partie de ce produit en croix très très long. C'est-à-dire, moi j'ai pas d'ajout à faire, on peut à la limite sinon il y a les cinématiques, il y a tout ce qui est au niveau des cinématiques animées, et que l'animé en lui-même est pas dingue, fait joli sur Twitter, ouais voilà, c'est en gros l'animé pour faire très très simple, il a été commandé par Atlus. Il a été réalisé en un an, pas plus. Et il est assez mal animé. Il y a des... Si vous cherchez les... alors j'ai plus le nom de ces... les frames... c'est pas les frames principales, c'est les frames secondaires ou quand les persos sont loin. Les frames, non ? Non, les frames où... Tu sais, quand les persos sont loin. Ah, j'ai plus le nom, mais effectivement, pour avoir vu des portions de l'animé, il est pas très très joli. Après, j'ai vu les 8 premiers épisodes et je dirais même que si vous avez joué au jeu, c'est pas la peine de regarder. Il y a quelques références à ce qui va se passer un peu plus tard dans le jeu, puis dans l'anime forcément. Par rapport à Persona 5, par rapport au jeu, mais en soi c'est un peu tout quoi. Vraiment. Par contre, apparemment le manga est très très cool dans les produits dérivés. Ouais, apparemment le manga est très très bien. Du coup voilà. Si vous avez un peu de temps entre le dernier chapitre d'SNK et le chapitre 8 540 853 724 de One Piece, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le manga est... Bon, quand le manga a commencé à apparaître, je crois que Royal n'était pas sorti. Oui, non. Mais du coup, récemment, je crois qu'il y a les ajouts de Royal dedans. Ouais. C'est ça, tout le monde. Et c'est vraiment vraiment très cool. On vous expliquera pourquoi la prochaine fois. Ah oui, exactement. Royal, c'est la vie, évidemment. Mais voilà. Et je pense que on a fini. On peut conclure là-dessus. Jem n'a pas fait une seule blague sur la VA. C'est vrai, mais ça arrivera. Ça arrivera dans le prochain épisode. La semaine prochaine. Voilà. Faut savoir se faire désirer. Mais c'était très cool. Kawakami Best Girl, évidemment. Évidemment, on n'a pas trop parlé des confidents. Je pense qu'on le fera plutôt la prochaine fois. Non, ouais, c'est vrai qu'il y en a certains où ils sont assez liés au scénario, du coup. Il y a tellement de choses à dire sur Persona. Le jeu a une durée de vie assez folle, du coup, forcément. On peut pas parler de tout. Là, on a fait quoi? Allez, sur Royal, on a fait 30-40 heures de jeu là. Ouais. Oh, ah, peut-être plus 50. Je pense que là on a tapé les 50. Donc grosso merdo, ouais, on a fait en 180 heures. Hein, donc il reste. il reste beaucoup à voir. Il reste, ouais, il reste 130 heures quoi, tranquille. Ça va, en deux épisodes, ça ira. Et du coup, voilà. Bah, en tout cas, un plaisir d'avoir fait ce produit en croix. J'espère qu'il vous a plu. Je sais pas quand est-ce que la prochaine partie sortira. C'est ça, bah. J'aimerais, dans l'idéal, celui-là sort le. Donc, on est en avril, donc ce sera le 6 mai. 6 mai, voilà. Et si j'ai pas de retard, normalement, je devrais pas en avoir. C'est ça. L'idéal, c'est que la partie 2 sorte le mois d'après. Le mois d'après, oh. Le mois d'après ou si JJ. Un jour après. Moi, j'aurais proposé limite une semaine après, mais. Ah bah. Oui, mais tu te sens monter 4 heures. J'avoue que 4 heures à monter, c'est quand même beaucoup, hein, mais. Ouais, mais on sera là. Voilà. T'inquiète. Bon. On verra. Dans tous les cas, on verra. En attendant. Il sortira pas un an après. En attendant, si vous avez fait Persona 5 normal, achetez-vous Royal. Voilà. Et vous n'avez pas joué à Persona 5, faites-le. Ouais, mais là, si vous n'avez pas joué à Persona 5 et que vous êtes là encore, ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Barrez-vous, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas la tête Du coup, voilà. Mais en tout cas, voilà. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Ah ouais, carrément. Le pouce bleu, le sub, le commentaire, les dons Tipeee. Voilà, pas trop non plus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et voilà et je dis n'importe quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et en tout cas, je sais pas du tout quand est-ce que sortira la partie 2, mais un mois après maximum. Voilà. Elle arrivera, ne vous inquiétez pas. On vous fait des bisous et à bientôt pour la prochaine partie. À bientôt.